Le plan de cette semaine à Assemblage Wiki. L'été tire à sa fin, mais ça veut pas dire qu'on a plus faim ou soif pour une grosse pointe tendresse. Et Tania étendra ses connaissances comme elle s'étend en maillot pour bronzer dans Tania Escolette et Tania. Assemblage Wiki commence tout de suite. Assemblage Wiki pour toi. Aujourd'hui. Assemblage Wiki pour toi. Aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Wiki pour la semaine du 29 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On t'en dirait des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. C'est notre chanson thème, remaniée par Renard Frac, mais à l'origine par Vanessa Parietta, qu'on débute aujourd'hui. Comment ça va, Tania? Ça va bien, ça va très bien. Oui, quand même, t'as l'air en forme, t'as l'air perky. C'est fou, hey, hein? Nouvelle saison, presque qui s'en vient. J'ai bu du café. C'est ça, j'ai mais... bu bien du café. On aime ça boire du café, mais on aime ça boire d'autres choses aussi. Et comme c'est notre thématique depuis quelques semaines, je dirais que le mois d'août est très, très, comment dire, assoiffé. Oh mon Dieu, ou assoiffant. Quand même, t'as du vocabulaire. C'est cool. Donc, tout à l'heure, dans une grosse pointe tendresse, on va encore une fois goûter à quelque chose qui va descendre dans notre gorgoton de la façon la plus extraordinaire au monde. Ah ouais? Oui. Une grosse pointe tendresse en dernière heure d'émission. Avant ça, on va voir si ça existe ou ça ne devrait pas. On l'a avec des gadgets inutiles. On a un petit peu de cet effet en début d'émission. Au milieu, s'en viendra donc Tania is gonna entertain ya. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, c'est le début de la session pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être dans quelques jours à peine. Au cégep, c'est commencé. Oui, au cégep, c'est commencé. Côté universitaire, ça devrait commencer dans quelques jours. Mais pour d'autres, du côté des camps d'entraînement, des équipes sportives, ça a commencé. Alors, je vais vous parler de long et en large de quoi va ressembler les prochains jours pour les équipes sportives de l'université. Oh, cool, un petit peu de sport. J'espère en entendre parler plus souvent du sport ici. Peut-être. On verra. Peut-être qu'on a un petit peu de travail à faire là-dessus, du sport à l'émission. C'est le plan d'émission d'aujourd'hui. C'est notre émission finale du mois d'août. Mm-hmm. On va voir ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, les prochains mois. On va vous tenir au courant de notre case horaire et de ce qu'on va faire avec tout ça. Commençons en musique avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Tania, c'est par The Pack AD. Oui, exactement. C'est la pièce Yes, I Know. Ah ben, je sais. Non, moi, tu sais. Dis-moi quelque chose que je sais pas, Tania. Comme si tu savais ça. C'est tout. C'est un fait, retour. Yeah. Le pack ID et la pièce Yes, I Know, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de se dire des choses vraies. Oui! Des choses vraies. On va en avoir tout le long l'émission des choses vraies, mais là, elles sont particulièrement véridiques, végétaliennes, véritables. C'est ce qu'on appelle « C'est un fait ». Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. Les sources sont sur assemblagerequis.com. Pour ceux qui ne me croient pas, commençons par le fait qu'on peut faire presser ses cendres en vinyle. Hein? Ouais, décider comment votre corps va continuer après votre mort est une grande décision. Bon, certains vont se faire enterrer, certains vont se faire incinérer, certains vont faire saupoudrer leurs cendres dans un lac ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il y a ça en théorie, on n'a pas le droit de faire ça. Es-tu sérieux, je sais pas ça? Ouais. Ah oui? Mais quoi, si je me souviens bien, ben c'est ça, c'est que ça peut contaminer les eaux. Ah ouais. Bref, on si peut maintenant... Si je me souviens bien, hey, je veux pas dire n'importe quoi, mais... C'est logique quand même, c'est logique. Bref, on peut le faire maintenant presser en un disque vinyle. And Vinyl, c'est un service basé en Grande-Bretagne, fondé en 2009 par un homme qui s'appelle Jason Leach. Jason Less, comme on l'appelle. Il a dit ça à Bloomberg en 2012, qu'il s'attendait pas à grand-chose, c'était juste pour le plaisir. T'avais raison, Tania? Non, en fait, non. Je n'ai pas raison, aucunement. La disposition des cendres... Ça n'a aucune loi au Québec. Il n'y a aucune loi qui encadre la façon de disposer des cendres d'une personne décédée. Donc, la famille est libre de pouvoir en disposer comme elle le souhaite. Peut-être qu'il devrait y avoir des lois là-bas. Je pense que c'est aux États-Unis que tu n'as pas le droit. Parce qu'à la limite, tu pourrais faire genre... quelqu'un pourrait vendre du miel aux cendres. Ouais. Pour vrai, s'il n'y a pas de loi. T'sais. Bref, il a dit que c'était un marché qui n'était pas encore prisé. Donc, une éternité sur vinyle pour être moins cher qu'une funéraille, que des funérailles. Mais ça reste que c'est quand même cher, c'est pas peu cher. L'emballage donc de base, le forfait de base est environ de 3000 livres sterling, environ 4000 $ américains. Là, faites la traduction pour les dollars canadiens. Ouais, hein? Et ensuite, ça va vous donner 30 copies de votre disque souvenir, chacun avec des échantillons donc de ses cendres. Le son lui-même peut être n'importe quoi. Ça pourrait être une balade aimée par la personne. Ça pourrait être de la discussion, du parler. Ça pourrait être des oiseaux. Ça pourrait être un silence total. Ou vous pouvez encore engager des musiciens via la compagnie qui vont vous écrire et vous enregistrer une pièce ou une série de pièces. Chacune coûte environ 650 $ américains. Et donc, vous allez avoir besoin de plusieurs chansons pour remplir les 24 minutes de chaque disque. 12 minutes par côté. Il y a un seul commentaire qui a été laissé sur l'article. Et c'est le bout de la pièce d'Adèle, « Hello from the other side ». Mais ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Ouais. Vous pouvez avoir aussi une couverture, un portrait fait par le National Portrait Gallery, un artiste qui s'appelle James Hagg, pour 4 600 $. Et Vinyl-Lee fait aussi des funerals, comme des funérailles, mais amusantes, pour environ 13 500 $. Accepte les cendres de vos animaux de compagnie, si c'était aussi un fan de musique. Et puis, on peut aussi faire distribuer l'album dans des magasins réputés de vinyle partout dans le monde. Là, il faut vraiment avoir quand même pas mal d'argent. Vous pouvez visiter le site de nvinyl.com, nvinyl.com, pour aller voir ce qui se passe là-dedans et aussi voir une petite bande-annonce. Voilà. Ensuite, les jumeaux et jumelles pourraient vivre plus longtemps selon une étude. Ah! Avoir un ben, je sais pas. Vive le don! Je vais te le dire. C'est selon mentalfast.com. Donc, avoir un jumeau et une jumelle identique, c'est vraiment une chose le fun pour faire des blagues, des farces et attrapes, peu importe. Mais selon une étude récente dans Plus One, ils pourraient vivre plus longtemps que la population en général. Les chercheurs de la University of Washington ont utilisé donc le Danish Twin Registry. Ça, c'est pas l'enregistrement de danoises jumelles. Danish. C'est des Danois, bien sûr. Okay. Pour analyser 2932 paires de jumeaux danois, jumeaux et jumelles, nés entre 1870 et 1900, on parle quand même de très loin derrière, qui avaient survécu passé l'âge de 10 ans. Ils ont appris donc que les jumeaux jumelles fraternels et identiques, donc non identiques et identiques, vivaient plus longtemps que les simpletons, comme on dit des fois. Donc, le plus grand avantage d'avoir soit un jumeau ou une jumelle identique ou non identique était pour les hommes dans le milieu de la quarantaine et les femmes dans le milieu de leur soixantaine, selon la recherche. 84% de la population masculine générale était toujours vivante à l'âge de 45 ans. Mais 90% des jumeaux hommes étaient vivants à cet âge-là. Les femmes jumelles, au début de leurs années 60, pendant ce temps-là, menaient la population en général de 10% par rapport aux non-jumelles. Est-ce qu'on se comprend? Les chercheurs sont pas certains pourquoi les jumeaux jumelles ont un plus faible taux de mortalité que les autres. Ils croient que la cause est probablement plus sociale que biologique. Ils disent que c'est pareil comme l'effet de protection dans un mariage. Donc, il y a un avantage d'avoir quelqu'un qui est proche de toi tout le temps dans ta vie. Ouais. J'imagine que ça t'amène à vivre plus longtemps parce que, je sais pas, ça t'encourage ou peut-être que tu te sens moins seul. Peu comme quand t'es marié, tu te sens moins seul. Donc, c'est le soutien émotionnel qu'on dit qui mène à une plus grande longévité. Intéressant quand même, allez voir l'article pour plus de détails sur assemblagerequis.com. Ensuite, votre, tu sais, si t'es allé à l'expo cet été, est-ce que c'est le cas premièrement? Non. Non, t'es allé au Grand Prix? Oui. T'avais un collier pour un bracelet? J'avais un bracelet aussi. Voilà ce que je voulais savoir. Ton vieux bracelet de festival ou d'événement est probablement rempli de microbes. Probablement. Pour les gens qui vont à des festivals de musique ou peu importe, vous avez un petit bracelet, un genre de truc impossible à déchirer là. On connaît tous ça. Selon une étude récente de la microbiologiste Alison Cotell, certains de ces bracelets-là, apparemment, un genre de tissu... Les festivals de musique, bien souvent, c'est en tissu, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des milliers de microbes. Pour déterminer donc ton bracelet, combien de microbes qu'il y a, Cotell a amené donc un paquet de gens qui étaient allés à des festivals différents, qui portaient, en fait, deux... On leur a mis deux bracelets pendant 2 ans au complet. Pendant qu'une personne et ses deux poignets étaient... c'est-à-dire que même si cette personne avait seulement deux bracelets et c'était seulement une personne, c'est une seule personne, pas plusieurs, qui ont fait ce test-là. Donc, Cotter nous apprend qu'une concentration d'environ 9000 micro-cocci et 2000 staphylococci, sur les deux bracelets, environ 20 fois le nombre de micro-cocci et de staphylococci qu'on trouve normalement sur les vêtements. Cotter a dit à Science Dump que même si les... bactéries retrouvées sur les bracelets étaient généralement peu nuisibles en petite quantité et qu'en fait, ils sont normalement retrouvés sur la peau des gens. Ils peuvent devenir dangereux en très grande quantité comme dans le cas des bracelets. Staphylococci, peut causer des infections dans les plaies, genre, et peut aussi former une forme aiguë d'empoisonnement alimentaire si on les avale, donc si on se liche le poignet ou n'importe quoi. Donc si tu manges une pointe de pizza, je sais pas trop quoi, puis t'en as sur tes mains, puis t'avais un bracelet, puis tout ça, puis ces microbes-là, bon, si tu liches ta tache de sauce à spaghette ou peu importe, ça pourrait te causer un empoisonnement alimentaire. Eh ben. Ça dit donc que si votre santé vous importe et vous stresse, ça pourrait être une bonne idée de couper votre bracelet rapidement, parce qu'ils sont remplis pas juste de souvenirs, mais aussi de bactéries. En fait, vous pouvez probablement l'enlever le jour même puis le mettre avec une punaise sur un... peu importe, sur un babillard ou quelque chose comme ça, puis au moins les bactéries prendront pas d'ampleur. Ensuite de ça, est-ce que c'est possible de vraiment perdre des bas dans une laveuse? Hey, je suis sûr que oui. Il se passe de quoi là-dedans, c'est sûr. Le mythe n'est pas nécessairement juste un mythe, ça peut être la vérité. Oui. Donc, le monstre des bas est peut-être dans votre salle de lavage. Où est-ce qu'il se retrouve, ces bas perdus-là? Mécaniquement parlant, même si c'est possible que votre machine à laver mange vos bas, selon le Whirlpool Institute of Home Science, les modèles qui seront chargés par le dessus et les modèles qui sont chargés par le devant sont capables de permettre aux bas de sortir du drum, du baril, de la... comment qu'on appelle ça? Qu'on peut appeler ça un baril. Et puis, ils vont se prendre dans des places qui ne sont pas normalement visibles ou accessibles par l'utilisateur. Pour les laveuses qui se chargent par l'avant, ça peut être logé directement en dessous du seau pour l'eau. Donc, il y a un seau de caoutchouc pour l'eau. Et pour les machines qui sont chargeables par le dessus, le bas pourrait passer dans une crevasse entre le drum intérieur et le drum extérieur si on surcharge la laveuse. Donc, tu sais, quand on dit de ne pas mettre de linge au-delà d'une certaine barre dans la laveuse... C'est peut-être pour ça. Moi, je fais mon lavage à la buanderie depuis quelques mois, depuis que je suis déménagé au mois de juin. Et puis, le drum, c'est un très gros... la laveuse est quand même assez grosse. Et puis, le drum a des petits steps, un peu comme dans les stationnements pour t'empêcher d'aller trop vite. Comme des petits steps. Fait que je mets mes vêtements dedans, je fais mon lavage, et quand j'ai terminé, je vide la laveuse. Mais il faut que je fasse faire un petit tour au drum, parce qu'il y avait une... c'était-tu un bas qui était pogné sur une des côtes en haut de la laveuse? Fait que des fois, ça peut être juste un oubli comme ça, ça colle après le métal. Faire un petit tour pour vous assurer que vous n'avez pas oublié un bas. Exactement. Ça m'est sûrement déjà arrivé. Avant que je l'ai remarqué, mais les autres fois, je ne l'ai sûrement pas remarqué. Bref, c'est ça va se prendre entre donc, le drum intérieur et le drum intérieur. Sinon, ça peut se prendre entre le drain pour l'eau et la pompe. Ou la pompe. C'est aussi possible pour les bas de se faire prendre en dessous de l'agitateur de la machine à laver qui se charge par le haut, par le dessus. Donc oui, votre laveuse pourrait très bien voler vos bas. Faites attention à ça. Et puis s'ils se rendent jusqu'au cycle de séchage, les bas peuvent être victimisés par l'électricité statique. Donc ils vont coller à l'intérieur d'une jambe, d'une patte de pantalon. On a déjà remarqué aussi, si vous lavez, moi je lave mes draps en même temps que mes bas bobettes, parce que c'est des affaires qui vont à sécheuse. Ouais. Et puis souvent, les bas vont se prendre dans l'élastique de mon drap contour. Fait que des fois, je vais même installer mes draps sur mon lit, et puis quand je vais les défaire pour les relaver, je vais redécouvrir mon bas perdu. Fait que vérifiez-le aussi. Ah, c'est difficile, hein? Bref, au moins, on a une réponse à nos affaires. Il y a 3-4 fois plus long que ce que je viens de vous lire sur assemblagerequis.com pour plus de détails, ceux qui aiment les petits détails. Hein. Ensuite, à l'aéroport de Chicago, Midway Airport, il y a maintenant une salle de bain seulement pour les animaux de compagnie. Les chiens n'ont pas nécessairement de place pour aller faire pipi s'ils sont à l'aéroport. Il n'y a pas de bonne fontaine pour aller faire pipi. Donc, une ancienne salle de bain familiale a été convertie en salle de bain pour les chiens avec du faux gazon et même une mini bonne fontaine selon le Chicago Tribune. La toilette pour chiens a un système de flushage automatique qui va enlever les liquides, le caca, peu importe, le solide. Et puis, il y a des sacs. Dans le fond, le liquide va enlever le liquide et puis il y a des sacs pour le caca. Ouais. Et puis il y a même une pomme de douche qu'on peut tenir dans sa main si jamais il y a vraiment beaucoup de dégâts. C'est donc la première Pet Relief Room qui est située au-delà des points de sécurité de l'aéroport, ce qui permet aux propriétaires d'animaux de compagnie de donner à leur chien une petite pause toilette sans avoir à rester en ligne pour la sécurité une deuxième fois. Donc vous avez déjà passé la sécurité à ce moment-là. Et puis il y en a plusieurs à travers le pays, de plus en plus. C'est une réponse à un règlement fédéral qui est passé depuis le mois d'avril aux États-Unis qui force les aéroports avec plus de 10 000 passagers par année d'avoir une place pour soulager les animaux de compagnie à chacun de leurs terminaux. La loi a pris effet ce mois-ci, donc au mois de, j'imagine, mois d'août. Les voyageurs de fin d'été vont avoir tout plein de place pour leurs animaux de compagnie. Ronald Reagan, Washington National et Washington Dulles International Airports ont installé plusieurs de ces toilettes-là en 2010. Le Lindbergh Field à San Diego a suivi en 2013. Et puis maintenant, on commence à avoir des designs avec du gazon et des bandes fontaines un petit peu partout. Pas mal ça. Ouais, une bonne idée. Ben ouais. Puis pourquoi juste s'en tenir aux chiens? Il y a d'autres animaux de compagnie qui peuvent aller faire leurs besoins là aussi, j'imagine. Oui, mais il n'y a pas... Je pense que t'as juste les chiens et les chats qui peuvent voyager dans les aéroports. Ouais, hein? Mais donc, il faut au moins inclure les chats. Ouais. Ouais. Puis au moins, ils n'ont pas déterminé que c'est une salle de bain pour animaux de compagnie gars, animaux de compagnie filles, puis trans chiens, tu sais. Non, un animal, c'est un animal. C'est ça. Un humain, c'est un humain. C'est un humain. Ben, tu sais, moi, les toilettes unisex, je vois rien contre, là. Mais il y en a au Nord-Ouest. Ah! Ah oui! Ah, je savais pas ça. Mais tant mieux. Pour au deuxième du Nord-Ouest, la toilette, elle est obsexe. C'est unisexe, comme. Unisexe. Voilà. Ensuite, on parle de draps jetables. Oui. Qui vont permettre aux enfants à l'université, au collège, au cégep, peu importe, d'éviter leur lavage pour toujours. Tu sais, à l'université, les jeunes commencent leur vie d'adulte et puis il faut qu'ils apprennent à devenir indépendants, à prendre soin d'eux-mêmes sans leurs parents. Il y en a qui sont pas aussi types que d'autres. Ça se peut qu'ils passent plusieurs mois sans laver leurs draps. OK. Je pense que tu connais peut-être du monde qui n'ont pas lavé leurs draps depuis un maudit bout. Mais... Et on ne saura jamais, parce qu'en tant que tel, ils ne diront pas à personne. Ouais, c'est ça. Mais je te garantis que c'est une bonne portion des gens en bas de 25 ans, peut-être même en bas de 30 ans, qui peut-être, font pas leur lavage. Probablement. Bref, chez Curb, qui nous dit ça, qui nous a dit ça récemment, les étudiants universitaires n'ont plus besoin de s'en faire avec ça, parce qu'ils peuvent acheter maintenant des draps jetables d'une compagnie basée à Boston, Beantown Bedding, qui vend des couvertures qui n'ont jamais besoin d'être lavées. Vous avez qu'à les jeter dans un bac à compost et en acheter un autre ensemble. La compagnie a été fondée par deux femmes qui, après avoir envoyé leurs adolescents au collège, ont découvert que ces enfants-là étaient très terribles, très mauvais par rapport au lavage. Résultat, ils devenaient victimes d'une accumulation de sueur, d'huile corporelle, de bactéries, de microbes, de cellules de peau morte, avec des tonnes et des tonnes de comment t'appelles ça, des dust mites, les trucs, les acariens, voilà. Oui. C'est ce qu'ils disent selon leur site web de compagnie. Ils ont blâmé ça pour, entre autres, des maladies que les étudiants avaient, etc., etc. C'est du trouble quand même faire le lavage de ses draps. Je sais, souvent, t'as besoin d'une laveuse à part entière juste pour les draps. Tu peux pas faire tout ton lavage avec les draps. C'est ça qui arrive surtout en résidence, bien souvent. Hein. Ouais, et même ceux qui utilisent une buanderie, les laveuses ont beau avoir l'air grande, mais la place où mettre le linge est pas si énorme que ça. Mm. Et je l'ai vu cette semaine, j'avais deux. Peu importe, j'avais comme deux sacs pour faire du lavage. Je pensais pouvoir avoir deux laveuses, puis finalement, non. Il faut trois laveuses pour ça. Les draps prennent beaucoup plus de place qu'on pense. Donc, voilà. BeantownBedding.com pour aller en savoir plus sur ça. C'est biodégradable, une seule utilisation par couverture. Et la compagnie dit aussi que c'est une ressource pour les hôpitaux et l'industrie de l'hospitalité, comme les hôtels. C'est fait de pulpe de bois eucalyptus. Et puis ça dit que c'est eco-friendly, donc très éco-amical, comme on pourrait dire. Mm-hmm. Et puis elle se ramasse pas aux poubelles, comme on l'a dit, c'est biodégradable. Ça commence à 20$ par ensemble pour un lit jumeau, un lit double, je crois qu'on appelle en français. Et puis vous pouvez aussi prendre un abonnement par mois. C'est tout pour les articles longs. Allons-y avec d'autres articles un petit peu plus courts. Un homme a découvert et vendu une peinture pour 1 250 000 en jouant au jeu de société Masterpiece. Tu te rappelles de Masterpiece? Ça me dit quelque chose, oui. C'était, est-ce que c'était des pions? Ça peut, je vais aller trouver des photos parce que je me rappelle avoir joué beaucoup à ça quand j'étais plus jeune. Masterpiece. Peut-être Game, hein? Game. Ah, c'était peut-être pas celui-là. C'est Mastermind que j'avais ouais. en tête. Moi, je jouais à Mastermind. Masterpiece, je ne connais pas ça. C'est un jeu d'encan d'art. Exactement. Non, j'ai jamais joué à ça. Jamais non plus. J'étais sûr que c'est Mastermind. Bref, il jouait au jeu de société Masterpiece. Il a remarqué que la peinture qui était dans le jeu mm-hmm. avait une grande ressemblance avec la peinture qu'il utilisait pour couvrir un trou qu'il y avait dans son mur. Oh non! Donc, il s'est dit, ben, Colin, c'est donc un original. C'est donc, si c'est un jeu d'encan, c'est un jeu d'encan d'art. Ouais. Donc, ça disait que ça valait 1 250 000, j'imagine. Donc, il a pu faire de l'argent là-dessus. Il a demandé au Kennedy Galleries à Manhattan qui s'occupe des travaux de M. Heed. Ça, c'est l'artiste de la peinture. Il a demandé donc à ces gens-là de regarder la peinture. Ils ont vérifié que la peinture qui couvrait son trou dans le mur était précédemment une peinture inconnue de Heed. Oh. Qu'on a ensuite nommé Magnolias and Gold Velvet Cloth. Alors, en 1999, le Museum of Fine Arts à Houston a acheté la peinture pour 1,25 million de dollars. Donc, c'est vraiment des fleurs sur un satin, un velours doré. Tout ce qu'il y a de plus simple, quand même, mais très beau, quand même. Ouais, quand même. Artistiquement. Ensuite, un homme a acheté 365 cartes Starbucks et okay. a enregistré chacune de ces cartes-là pour une fête différente. Tu sais que chez Starbucks, c'est ta fête, tu peux avoir un café gratuit. Oui. Donc, il en a acheté une et il en a acheté 365 et les a enregistrés pour chaque date de l'année. Et donc, il pouvait avoir un café gratuit à chaque jour de l'année. Mais en même temps... Ils s'en sont pas rendus compte? Non. J'imagine qu'avec un nom différent chacune. Et là, non, mais ça te prend 365 emails différents? Oui, et 365 probablement budget différent pour t'acheter oui. une carte Starbucks. Sauf que le rabais revient chaque année, fait que ça devient rentable avec le oh, temps. Oh, quand même, j'imagine. C'est vrai. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, est-ce que tu connais l'effet de la fée clochette renversée? Le reverse Tinkerbell effect. C'est une expression qui dit que plus les gens croient en quelque chose, plus ça a de chances de disparaître. Donc, plus les gens voient les voitures comme étant sécuritaires à conduire, moins sécuritaires elles vont devenir parce que les gens vont faire moins attention en conduisant. C'est une expression donc américaine, anglophone, anglaise qui décrit les choses qui n'existent seulement parce que les gens croient. Oh ça, par exemple, la fée clochette, si on y croit tous, elle va exister. Ça. Mm-hmm. C'est la fée clochette dans Peter Pan qui revient à la vie après la mort, étant donné la croyance du public devant elle. Voilà. Une autre forme s'appelle, donc ça c'est le Tinkerbell Effect, mais le Reverse Tinkerbell Effect dont on parlait il y a 2 secondes, c'est un terme inventé par David Post en 2003 qui stipule que plus tu crois en quelque chose, plus ça a de chance de disparaître. Donc c'est vraiment le contraire. Voilà. Faut confondre les deux. Tiens, parlons de voiture. La vitesse maximale d'une Bugatti Veyron. Tu connais les Bugatti Veyron, V-E-Y-R-O-N? Yes. Oui! Oui! Ben oui! Ben damn! Y'a rien de plus beau! Yo girl! Est-ce que tu savais que sa vitesse maximale est limitée non pas par le moteur? Sais-tu par quoi c'est limité? T'as regardé le film. Ouais, je viens de regarder. Attends. C'est limité par la consommation d'essence. Non, c'est limité par l'explosion des pneus si ça va trop vite. Ouais, c'est la vitesse maximale de la Bugatti Veyron. Ah, mais c'est si beau une Bugatti Veyron. C'est quand même beau, hein. Ensuite, les chercheurs ont développé un robot qui vous sort... J'en ai sorti une 2016 en passant. Oh! Elle était écœurante! Est-ce qui est plus belle encore que celle sur la photo oui. du... Oui, oh oui, c'est... Ben, je pense que c'est la 2016, en fait, qui ont, mais en différentes couleurs sur l'article. Lâche-toi. C'est la 2016. Lâche-toi. Les chercheurs ont développé... Moi aussi, mais parce que j'ai un problème, puis mon médecin ne veut pas changer mes médicaments qui me font soin. Les chercheurs ont développé un robot qui vous surveille pendant votre sommeil et qui va ensuite faire une peinture, une image de toi pour te montrer comment tu tournes oh. pendant la nuit. c'est quand même le fun. Tu vas savoir quel mouvement tu fais pendant la nuit. Donc, c'est à Londres que ça c'est se bien passe. Ça. Un robot donc, qui vous surveille pendant votre sommeil. Il faut un matelas spécial couvert d'une petite grille qui va mesurer la chaleur, la pression et le son. Tout ça va assister le robot. Alors que le corps bouge, des petits sensors vont surveiller la chaleur et envoyer les données au robot. Le robot va recevoir les données, va dessiner vos mouvements sur un canevas. Ça va créer donc un beau petit design basé sur votre sommeil. Il y a un câble de données qui connecte le robot au lit. Et le robot utilise de la peinture pour faire votre portrait. Oh! Ouais. Benjamin Franklin, hein? Si, senior. Donc, lorsque Benjamin Franklin est mort, il a laissé à la ville de Boston. C'est vrai qu'il était mort, excuse-moi, je voulais pas te l'apprendre. Ah, Benjamin Franklin est mort! Mais non, arrête-moi ça. Lorsqu'il est mort, il a laissé à la ville de Boston 4 000 $ dans un fonds pour qu'il fasse de l'intérêt, ce 4 000 $-là, pendant 200 ans. 200 ans, excuse-moi. Je sais, on me reprend tout le temps quand je dis ça. En 1990, le fonds valait plus de 5 000 000 $ et a été utilisé pour établir une école qui est devenue le Franklin Institute of Boston. Oh! C'est bien, hein? Je savais pas. En 1847, Robert Liston a amputé la jambe d'un homme en 2,5 minutes. Donc, en 2 minutes et demie, une amputation de jambe. C'est pas long. Je sais bien, imagine, il y a des os là-dedans. L'opération s'est passée tellement rapidement qu'il a amputé le doigt de son assistant en même temps, sans faire exprès. Ah, oh, ben oui. T'sais. Les deux sont morts de gangrène. Ah, et un spectateur est tombé mort de peur. Donc, c'est la seule opération qu'on connaît dans la vie qui a un taux de mortalité de 300%. Ben voyons. Une opération, trois morts. Tresse. Wow. Tresse. Ensuite, le système de métro à Tokyo. Oui. Emploie des oshiyas ou des pousseurs. C'est des travailleurs qui littéralement poussent les gens qui se promènent en métro. Mais non. Parce qu'il y a tellement de monde et tellement pas assez de place dans les métros qu'on pousse les gens pour fermer la porte du métro. Ça existe pour vrai. Des oshiyas ou des pushers dans la station. Ah, c'était des photos, là, les gens ont vraiment l'air de suffoquer. Oui, et les pousseurs ont l'air quand même heureux de leur job. Ouais, hein, malgré quand même. L'odeur que ça doit amener. Donc, on voit les photos de la station Shinjuku qui essaie d'emmener autant de passagers dans les métros, dans les, comment dire, des wagons de métro. À l'heure de pointe, en 1967, des photos plus récentes aussi dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, en 1987, un homme nommé Mike Hayes a socio-financé. Oh, il y a une alarme dans ce studio. Ouais, on est... On est supposé sortir, j'imagine. Oh. Attends, elle vient d'arrêter. Est-ce qu'on entend ce son? On n'entend pas de son. Pas de son, donc on n'en parle pas dans ce moment-là. Mais elle vient tout juste d'arrêter de flasher, donc j'imagine qu'il n'y a plus d'alarme. OK, ben si vous voulez qu'on sorte, clignez les yeux. Clignez de la lumière. Textez-nous si jamais vous voulez pas. On n'est pas supposé en parler dans ce temps-là. Donc, 1987. Un homme nommé Mike Hayes a socio-financé son éducation universitaire en convainquant des millions de personnes de lui envoyer une scène noire chaque. Ah. Il a réussi à ramasser 28 000 $. C'est tellement une bonne idée. Oui. Je pense que j'aime partir une fondation comme ça. Un 800, envoyez-moi c'est un sou. Un sou. Tu vas voir les gars de la chasse-galerie le mardi soir arriver. Ah. Plein de sous. Oh, tum tum. Mike Hayes de Rochelle, dans l'Illinois, voilà. C'est lui qui a fait ça. Il a écrit au columniste du Chicago Tribune, Bob Green, lui demandant de demander à ses lecteurs d'envoyer une scène à par personne à Hayes. La notion a un petit peu chatouillé le columniste, assez pour qu'il le fasse. Et on pensait pas que ça allait fonctionner, mais ça a fonctionné. En moins d'un mois, le fonds Many Pennies for Mike était rendu à l'équivalent de 2,3 millions de scènes noires. Et c'est pas tout le monde qui a envoyé juste une scène noire, hein. Plusieurs ont envoyé un 5 cents, un 10 cents, des 25 cents et même plus. Évidemment, on parle seulement de pièces de monnaie. Aux États-Unis, ça arrête à 25 cents. Il n'y a pas de pièces d'une pièce. C'est ça. C'est à peu près ça pour cette idée-là. Des dons de partout aux États-Unis, Mexique, Canada, Bahamas. Et finalement, il a reçu effectivement le 28 000 $ qu'il était supposé recevoir. Le soda, la liqueur, la boisson gazeuse, savais-tu que c'était plus pétillant dans des canettes que des bouteilles de plastique? Je me suis toujours demandé, je trouvais ça plus pétillant en canette, moi. T'sais, je trouvais qu'en bouteille, c'était moins le fun. Mm-hmm. Mais il y a une raison pour ça. C'est que le CO2 ne peut pas s'échapper d'une canette d'aluminium. Mais elle peut s'échapper d'une bouteille? Ben oui, en fait, ça peut s'échapper par les bouteilles de plastique assez facilement par le bouchon. Ah d'accord. C'est pas complètement étanche, donc voilà, c'est pour ça que le soda est plus pétillant en canette. C'est pour ça que les ventes des canettes sont aussi élevées. Le fondateur et le directeur général de FedEx a déjà joué les 5 000 $ qu'il avait au Blackjack pour garder la compagnie en vie. Mais non! Ouais, un homme nommé Fred Smith qui qui était intéressé par le vol d'avion, entre autres. Mon monsieur Smith était à Yale. Il a eu une idée. C'était d'avoir un service de livraison privé. Le service postal était très lent à l'époque. Il pensait qu'il pouvait révolutionner l'industrie du shipping en créant une seule compagnie qui s'occupait de tout du début à la fin. Étant donné que la compagnie faisait tout du début à la fin, mais il avait besoin d'engager des avions, ce qui était cher. Il a mis tout ce qu'il avait de ce pourquoi il avait travaillé si fort. Il avait mis tout son argent dans la compagnie, il pouvait pas se permettre le gaz pour les avions avec l'argent qui lui restait. Donc la compagnie comptait sur ses derniers souffles. Il ne lui restait que 5 000 $ pour payer les lignes aériennes. Il fallait qu'il paye les compagnies aériennes 24 000 $ pour rester sur le marché. Il lui restait seulement 5 000 $. La réputation de sa compagnie était en jeu. Donc, il s'est demandé qu'est-ce que je peux faire avec ces 5 000 $-là. Donc, il a pris les 5 000 $ qui lui restaient, il est allé à Las Vegas, il a joué au blackjack avec cet argent-là. Finalement, il a eu de la chance, il a gagné 27 000 $ au blackjack. Il a arrêté là, il a pas fait le fou en disant qu'il est tout double ou rien. Il est revenu à son bureau et là, il avait les 24 000 $ pour payer sa ligne aérienne. Il a commencé son voyage. Son succès incroyable, une compagnie qui vaut maintenant des milliards de dollars qu'on appelle FedEx. Intéressant. Un designer du Titanic était à bord lorsque le Titanic a coulé. Oui. Ouais. Le design d'origine, il y avait plein de choses que je connais pas en bateau, un double hull, des compartiments qui sont watertight, donc pas à l'épreuve de l'eau, mais qui empêchent l'eau d'entrer. C'est pas mal ça finalement. Ouais. Et deux fois plus de bateaux qui allaient sauver les gens. Des bateaux de sauvetage. Il a passé ses derniers moments. Ces trucs-là que je disais, les double hull, tout ça, ça a été refusé par ceux qui construisaient le bateau. Donc, il a passé ses derniers moments quand même à essayer d'évacuer les passagers et son corps n'a jamais été retrouvé. Ah. C'était donc le 15 avril 1912, évidemment, et il est mort dans le désastre. Ensuite, la première disqualification olympique. Le premier gars qui a été disqualifié aux Olympiques pour utilisation de drogue. C'était un pentathlète suédois qui a bu 2 bières avant son événement de tir pour se calmer les nerfs. Ah, OK. Il a été disqualifié. Ben là, j'imagine. C'est clair. La première organisation pro-LGBT au monde a été fondée en 1897. Hé, ça fait longtemps! Dans ce qu'on appelle maintenant l'Allemagne, ironiquement. Ils essayaient donc, une organisation pro-LGBT. Ils voulaient qu'on annule une loi qui criminalisait le sexe entre deux hommes. Et parmi les gens qui avaient signé leur pétition était Albert Einstein. C'est vrai, ça? Je te jure qu'Albert Einstein, selon ce fait-là, dont la source est sur assemblagerequipe.com, a signé cette pétition-là. Une équipe en Norvège et d'autres pays scandinaves ont fabriqué un bateau de viking à partir de rien du tout, en utilisant la technologie qu'on avait à l'époque des vikings. Ils se sont promenés jusqu'en Amérique du Nord pour prouver que les vikings pouvaient le faire, leur propre bateau comme ça avec ce qu'ils avaient à l'époque. Ils ont réussi à le faire de nos jours, donc ça prouve le tout. Le gangster américain John Dillinger s'est échappé de prison avec un pistolet de bois. Bon. Ouais, après avoir fabriqué ça dans sa cellule en mars 1934, il a utilisé une fausse arme pour intimider 33 personnes avant de se trouver un vrai machine gun. Donc il a dit, et je cite, « Ha ha ha, et j'ai fait tout ça avec un fusil de bois. » Et il s'est vanté de ça en quittant la prison. Mon Dieu! John Dillinger. Un vrai gars viril. Hein? Un vrai de vrai. Les chiens qui reniflent pour trouver des bombes et de la drogue, éventuellement vont développer des problèmes psychologiques s'ils ne trouvent pas des bombes ou de la drogue. Ah, parce qu'ils sont tellement mindés à devoir trouver quelque chose que là, s'ils trouvent rien... Exactement, c'est pareil comme un chat quand tu joues avec un laser puis qu'il est pas capable de l'attraper. On dit que c'est pas bon psychologiquement pour le chat. T'es mieux de jouer avec une corde parce qu'il faut qu'il attrape quelque chose. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on dit pour ces chiens-là qu'à l'occasion, il faut qu'ils soient amenés dans des missions... fausses, des missions fake, là, vraiment, pour satisfaire leurs besoins d'atteindre leur proie. Ah! C'est cool, hein? Je savais pas. Deux derniers. À l'époque de l'Allemagne médiévale, les couples mariés pouvaient légalement régler leurs problèmes, leurs disputes, en se battant dans un duel de mariés. Ah! Mais voyons donc! Je te jure! Ça ressemble à quelque chose, j'ai déjà... Hein? Raconte-nous donc ça. J'ai jamais été mariée. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. OK. donc, pour égaliser les chances, à l'époque, on pensait vraiment, en tout cas, il y en a encore aujourd'hui qui pensent que c'est le cas, là, mais que les hommes sont tellement meilleurs que les femmes. Hein? Donc, pour égaliser les choses, l'homme se battait dans un trou avec un bras attaché derrière son dos. Ben voyons, donc bien sûr. Et la femme était libre de bouger n'importe comment, était armée d'un sac, d'un genre de bas, si on veut, rempli de roches. Aïe, aïe. C'était égal, comme ça. Ah, écoute. La femme libre avec des roches, puis le gars dans un trou avec un bâton. Rien de plus égal. Rien de plus juste. Et pour terminer, une famille américaine en vacances en Grèce a attrapé une pieuvre à 6 tentacules. Yark. C'était la deuxième qu'on a retrouvée dans le monde. Apparemment, évidemment, selon les registres de ça, là, c'est pas tout le monde qui va dire, bon, qui va appeler genre 1-800 pieuvre pour dire, j'ai attrapé une pieuvre. Hey, check, j'ai attrapé une pieuvre. Okay. Les gens savent pas nécessairement que c'est rare. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont mangé. Ah, mais non. Ouais. La deuxième pieuvre à 6 tentacules au monde. Ils ont tué la deuxième. Et je pense que ça goûte le poulet. Bande d'ingrats. Donc voilà, c'est tout pour cet un fait. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Retournons en musique, Colin. On a plein de nouvelles entrées francophones pour la semaine, la période qui commence là. Ben oui, Mathieu, si, parce que moi, je me fie au fait que toi, tu les as tous devant toi présentement. Oui. On pourrait aller écouter une des nouvelles entrées qui s'appelle « Longtemps » du groupe Mauve. Mauve! Je te mets ça à l'instant, Tania. Excellent. Et on se retrouve plus tard avec « Ça existe, mais ça ne devrait pas ». On l'a. À pour tantôt. L'instant, Mauve avec « Longtemps ». La pièce « Longtemps » par Mauve à Assemblage Requis. On prend une pause au retour. C'est ce que ça ne devrait répondre là. Ouh! Oui! Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. info. Bonjour, c'est toujours Assemblage Hockey pour la semaine du 29 août 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh que oui, c'est le moment dans quelques instants de faire la chronique, ça ne devrait pas là. Mais avant, Tania, on a un sujet chaud. On n'en parlera pas trop dans les détails parce que vous en entendez parler partout. Exactement. Et que ça risque d'être passé date quand on va être rediffusé. Mais on voulait quand même parler un petit peu de M. Pété. Ben oui, certainement, parce que bon, comme tu viens de le dire, là, pas mal n'importe qui sait ce qui se passe présentement. C'est on sorti, pas... là, fait qu'on c'est sorti. Mais... on n'a pas à se retenir pour le moment. C'est nom. Ça. Ce qui est de très intéressant quand même sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux et qui se promènent un petit peu partout, c'est un des articles qui a été écrit par Martin Franquer du Nouvelliste qui parle des petits enquêteurs. Donc ça, c'est tous ceux sur les médias sociaux et je vais citer un bout de l'article parce que je trouve l'article quand même très, très bon. Donc, Martin Franquer écrit « Les réseaux sociaux se sont transformés lundi en une véritable fourmilière où semblaient soudainement travailler des centaines, voire des milliers de petits enquêteurs. » Des petits jours détectives. Exactement. Tout le monde avait sa théorie implacable sur l'arrestation d'un individu et sur l'opération policière qui a été déployée dans une des entreprises et dans deux résidences de Trois-Rivières. Donc, tout le monde soudainement devient de plus en plus fin et de plus en plus brillant. On rappelle que personne n'a des connaissances légales là-dedans. Ou exactement. Presque personne. Et on a beaucoup demandé justement aux Nouvellistes ou à plusieurs médias pourquoi est-ce qu'on ne diffusait pas le fameux nom de la personne qui était... Il n'avait pas encore été accusé. Eh bien, il faut savoir en partant qu'il existe au Canada un principe fondamental de notre système de justice. De présomption d'innocence. Oui. Exactement. Le système de présomption d'innocence. Donc, les personnes qui font face à la justice ont droit à cette présomption et de subir un procès ou de venir témoigner par eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, on peut donner trois bonnes raisons pour lesquelles la plupart des médias n'ont pas donné de nom et ont choisi de respecter ce principe-là. Ceux qui ont de l'éthique, parce qu'il y a des médias québécois, peut-être pas trifluviens, qui l'ont fait. Oui, c'est quand même certainement. De diffuser le nom. Oui. Et ces trois bonnes raisons-là pour laquelle la plupart des médias ne l'ont pas fait, c'est la charte numéro 11, la charte numéro 4 et la charte numéro 301. Rien que ça. Pour ceux qui ont décidé de devenir de petits enquêteurs, voici les articles de la charte. Un petit peu de lecture à faire avant de dire de le prendre par les couilles. Exactement. Donc, l'article numéro 11 de la charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à la présomption d'innocence. L'article numéro 4 de la charte québécoise des droits et libertés de la personne concerne le droit d'un individu à la sauvegarde de son honneur et de sa réputation. Parce que, mettons, OK, puis je vais être, tu sais, tout le monde ici est d'accord que s'il a fait ça, OK, on n'aime pas ça. Okay. Mais il n'y a rien qui le prouve. Mais on ne sait pas encore. C'est exactement. Sûr que la façon qu'ils ont procédé d'y aller avec la pornographie, peu importe, pour peut-être avoir son ADN, pour peut-être faire un lien avec l'autre enquête, peut-être, tu sais. Mais ça. Si, après ça, l'ADN prouve que ce n'est pas lui, mettons... Là, il a déjà été ruiné. Ben oui, tout à fait. Puis, en terminant, l'article 301 de cette fameuse charte-là et du code criminel, ça interdit la diffusion ou la publication de propos diffamatoires qui portent atteinte à cette fameuse réputation. Puis, même si vous aimeriez ça avoir son nom, même si vous aimeriez pouvoir parler contre lui, c'est pas vous autres qui décidez. Parce non. que vous êtes qui, vous autres? Hein? Exactement. C'est ça. Mais il existe des choses quand même qui sont assez cocasses ouais. et peut-être même déplaisantes pour certaines autres personnes. Si on se transporte du côté du club 3R Dragon de Trois-Rivières, donc pour ceux qui font du bateau dragon... gros dragons là, c'est ça, en bois, je sais pas trop quoi. Là, exactement, les fameux bateaux dragons. Il n'y a pas très très longtemps, il y a exactement 3 heures sur Facebook, ça a été posté. Trois-Rivières Dragon tient à informer qu'un des collègues se nomme Jonathan Bété. Prendre note que celui-ci n'est pas celui dont on parle présentement en partout plus, dans les médias. C'est un nom tellement peu commun, je veux dire, je pense que je connais zéro personne à part lui. Mais je pense qu'à Trois-Rivières, il y en a comme 4. Mais ça me rappelle vraiment le fait, l'histoire de... c'était Mathieu Roy, à un moment donné, qui avait fait quelque chose d'agression sur une mineure. Oui, c'est... Mais c'est pas le Mathieu Roy qu'on connaît de TVA à Salut Bonjour, d'enseignement d'énergie. C'est pas Mathieu Roy, l'ancien directeur général de la GEQTR qui était sur le CA de C'est Fou. Mm-hmm. C'est trois différents Mathieu Roy, tu sais. Exactement. Fait que dans une région, il y en a beaucoup. C'est comme Mathieu Plante. Il y en a un qui étudie en histoire ici. C'est pas le même qu'à la radio. T'sais. Non, tout à fait. Puis il faut comprendre aussi, ça c'est quelque chose que Martin Franquer a dit dans son article. Il faut comprendre aussi qu'il est essentiel dans un cas aussi délicat que celui-là de laisser la justice suivre son cours selon les règles du jeu qui sont clairement établies et selon le respect des principes dont il vient d'être question. Oui. Donc oui, vous pouvez... écrire son nom un petit peu partout sur Internet, mais si vous n'êtes pas dans l'enquête, en théorie, vous n'êtes pas super au courant. C'est que des présomptions. Moi, ça m'énerve. Je comprends qu'ils veuillent le faire. Je comprends ça, mais ça m'énerve quand même. Oui, mais... Oui, tout à fait. Mais la justice est là pour quelque chose. C'est ça. Là, on sait que là, sur les réseaux sociaux, depuis les 30 dernières minutes, ça crie beaucoup parce qu'il a été libéré sous caution. Ouais, bon. Mais il va revenir devant la cour. Donc, laissez le temps de faire les choses. S'il va pas, si vous avez peur qu'il s'en aille, criez-moi, il va le retrouver pas mal. C'est pas si CSI Miami, là, ça se fait pas en une heure. Non, puis ils sont capables de le retrouver de différentes façons, que ce soit en suivant son téléphone cellulaire, en suivant, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ce gars-là, c'est sûr et certain qu'il sort pas de chez lui sans que ce soit regardé. C'est sûr. Bref, nous voilà à bout de ce sujet. On aura d'autres sujets même, je pense, d'ici la fin de l'émission. Probablement. Mais avant ça, comme on l'a dit tantôt, c'est le moment de s'acheter des choses sur Internet. Question de le regretter quelques instants plus tard, dans 30 minutes, quand on va être libéré sous caution de notre... quand notre budget sera libéré sous caution. Eh boy. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Oh, j'ai enlevé les oiseaux à la place d'enlever la chanson. Excuse-moi, je ne vais pas enlever les oiseaux. Les oiseaux sont partis, ils sont venus. Okay. OK, ils reviennent. Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets ridicules à se procurer sur Internet. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et on commence pour les fans de jeux vidéo, les fans de Xbox. Est-ce que t'es fanatique de jeux vidéo récents ou de jeux vidéo en général? Ça dépend lesquels. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, honnêtement, je dois l'avouer. Lesquels? Jeux vidéo de course automobile. Ouais. Et j'ai déjà joué à Call of Duty. J'ai beaucoup aimé. T'es bonne? Je sais pas pourquoi j'aime ça. T'es donc même violente. Je savais pas ça. Je suis désolée, c'est pas quelque chose que je vais répéter en nom. Non, non, c'est correct. Voyons, non, y a rien là. Mais j'aime les jeux de combat. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça. J'aime les jeux de combat. J'aime ça me battre. Pour évacuer ton stress. Bon. Mon stress ou ma rage. Voilà. Ah, voilà. Donc, commençons par des pyjamas en One Piece, là, des onesies qu'on appelle sous licence officielle pour la Xbox. C'est fait pour jouer à des jeux vidéo. Donc, il y a des gens qui prennent leur confort pendant les jeux vidéo très, très au sérieux. C'est donc les Official Xbox Onesies. C'est fait pour rendre les jeux vidéo plus confortables. C'est une paire donc de sous-vêtements à zip pour adultes. Et c'est rempli d'accoutrements thématiques Xbox. Donc, on parle de super grosses poches pour mettre ta télécommande, ta manette. Quand tu vas te chercher quelque chose à manger ou à boire, tu peux garder ta manette dans ta poche. T'as une pochette sur le bras pour ton téléphone. Et t'as un gros hoodie. Pour ne pas s'interférer avec tes plus gros écouteurs, c'est les écouteurs de chat là, en ligne. Ouais. Donc ta capuche va passer par-dessus. En plus de grip sur les avant-bras pour empêcher de glisser pendant tes moments les plus difficiles. Et puis l'option aussi d'avoir ton gamer tag brodé sur ton habit. Donc mettons tu t'appelles Tania Baudin TV, peu importe, tu l'écrirais brodé sur ton. Pas pire ça? Ah, c'est merveilleux. Comme ça. Fallait voir donc des photos de tout ça. Et puis, ça dit pas le prix dans l'article, malheureusement. Ça doit être quand même assez dispendieux si ça vient directement de Xbox. De Microsoft. Donc, de Microsoft. Je vais lire la référence sur Engadget. Je me dis que c'est ça. C'est ça le problème avec les articles comme ça. C'est qu'un article mène à un autre article d'un autre blog, qui mène à un autre article d'un autre blog, qui mène à un autre article d'un autre blog, mais il n'y en a jamais qui vont aller vers la vraie source. Mais non, c'est tout en même. Attends un petit peu, est-ce que je lis ça? Non, c'est encore vers un autre article. Bon, tu vois. C'est une boucle sans fin. En tout cas. Continuons à la place, vous irez vous renseigner vous-même. Parlons d'un jackstrap. Des fois, on dit un jackstrap, mais c'est un jockstrap, tu connais ça? Ah, je savais pas. Avec un cactus. Ouais, donc c'est les jockstrap planters à 100$. C'est créé par quoi? T'as vu la photo, hein? C'est ça, ouais. C'est créé par Pensy Ass Ceramics, donc c'est donc un pot qui mesure environ 5 pouces par 3 pouces. Tu peux pas être plus long que ça. C'est ça. C'est pas très, très gros, j'avoue. Hein? 5 pouces. En tout cas, je veux pas juger personne, mais 5 pouces, c'est comme pas mal le minimum requis pour même entrer à quelque part. Bon, qu'est-ce que t'es en train d'insinuer, Mathieu? En train d'insinuer que je Mathieu est en train de nous dire qu'il est bien membré. Ben là, hein, je pense que si les gens écoutent moyennement, c'est fou, ils sont au courant. Il faut donc fournir la plante vous-même, et c'est fait pour vous cacher le membre. Ah, bref. Ben oui, ça sert à ça, un jackstrap. C'est ça. Bref. Ben beau, là, avec un vrai cactus et une vraie... Comment tu fais pour avoir... Je savais pas qu'un cactus pouvait être aussi coloré que ça sur son gland. Mais c'est clairement pas un cactus. C'est un cactus, non, je sais pas, on dirait un vrai. Mais... Ça fleurit. Je sais pas. Ah oui, il existe des cactus oranges. Ah, tu vois, je savais pas ça. Mais le rose, je suis sûre que c'est un faux. Non. Penses-tu que c'est un vrai puis tu peux l'arroser? Je pense qu'ils sont tous vrais, moi. C'est juste qu'il faut qu'on ait la plante soi-même. Ouais. Je sais pas. Bref. Je sais pas, hein. Jackstrap en cactus, pourquoi pas, hein? Malade. Ensuite, la plus grosse perle du monde qui pèse 75 livres et mesure 2 pieds de long. Ça c'est long. Et ça vaut 100 millions de dollars. Oh boy! La plus grande perle du monde, 34 kilos pour ceux qui parlent en kilos, 2,2 pieds de longueur. Et puis ça dit que ça bat le précédent record qui était le Pearl of Lao Tzu et la Pearl of Allah qui pesait 61 livres, les deux. Voilà. Pas beaucoup d'autres détails que ça, c'est vraiment une perle, donc c'est comme un genre de... Ça n'a pas vraiment de forme, c'est comme... Non, c'est bizarrement fait, mettons. Une crotte. Une grosse crotte. Ouais. Ouais, mettons. Mais beige. Tu sais, comme une crotte de sperme. Oh, Mathieu! Ah. Ensuite, on va aux couvertures. On parlait de confort tantôt avec les pyjamas Xbox. C'est la Catchula Blanket, une couverture pour les aventuriers. C'est fait par Koala Tree. Pourquoi pour aventurier? Parce que c'est à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve du vent, à l'épreuve des odeurs. Ça a aussi un hood, un capuchon et un snap pour pouvoir la porter, la couverture. Et ça fit dans une pochette qu'on peut utiliser comme oreiller aussi. Allez voir sur Kickstarter pour leur donner 50$. Catchula, c'est le nom, K-A-C-H-U-L-A, pour en avoir une vous-même. Pour ceux qui vont dans le bois et qui veulent porter leur couverture. C'est comme un genre de... Comment dire? Pas un poncho, c'est comme un genre de doublure, de... Je sais pas comment appeler ça. Couverture qui se porte, tiens. Deux dans un. Ensuite, si vous voulez vous protéger des insectes, mais que vous avez pas d'amis... Oui. Donc, vous voulez pas vous acheter une grosse tente pour protéger des insectes, pour faire un barbecue ou un pique-nique. Ouais. T'es tout seul. Eh hey boy, elle fait vraiment tout seul, là. Il faut que tu t'achètes cette tente anti-insectes pour une seule personne. Ça coûte 50$. Insect, Bug and Mosquito Pop-Up Screen Chair Tent. Disponible en précommande chez Anthem Sports. Ça aurait été le genre de ma mère dans le temps que mon frère puis moi, on jouait au soccer. OK, donc sur le terrain de soccer, vous jouez et elle est dans la foule avec sa Ouais, parce qu'elle déteste les bibittes. Je comprends, puis les sprays, ça fonctionne pas, là. Non. Pas assez. Ah, ça, ma mère, ça serait encagée là-dedans. C'est le fun, puis elle peut encore se le permettre. 50$, c'est pas très cher. La chaise n'est pas incluse, par contre, il faut qu'elle achète sa propre chaise. Tristesse. Ou son propre beanbag, ou peu importe, pour le confort ultime, comme dit l'article de geekology.com. Parfait pour les parents qui vont, oui, assister, entre autres, à des parties de sport. Sinon, ça peut être pour n'importe quoi d'autre. L'article suggère bien des choses que je répéterai pas à la radio. Et ça se plie. Oui. Ça se plie pour ça. Ça va se plier quand même bien, hein? Oui, oui. C'est plié un petit peu comme les... Les grands ronds, là. Les grands ronds de cinéma, de cinéma. De cinéma. C'est pour faire de la lumière, faire de la photographie? Oui, ben c'est ce que j'avais en tête, mais je savais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le vrai monde que les gens pourraient savoir. Mais oui, c'est des trucs pour refléter de la lumière qui sont en rond que tu plies comme ça. Mais les gens savent pas nécessairement de quoi on parle. Et voilà. Ensuite, c'est fait pour faire cuire C'est fait pour faire cuire les aliments. Pour préparer vos repas en utilisant le pouvoir du soleil. C'est comme une genre de... une base d'aluminium, presque. Ouais, presque. C'est portatif, ça pèse moins de 6 onces, ça peut aller à des températures jusqu'à 350 degrés Fahrenheit. Et c'est assez compact pour aller dans votre sac à dos. Et donc, la nourriture va aller dedans ça. Ça va prendre le soleil, ça va faire cuire votre aliment. Ça coûte 130$. Ça fait des pâtes ici avec du jambon, je sais pas trop quoi, bacon. Ça a l'air d'être un petit pack carbonara. C'est ça. Mais je sais pas si c'est fait en aluminium, ça le dit pas. On pourrait aller voir sur Amazon, voir si c'est fait en quoi. Ça peut faire bouillir de l'eau, ça peut pasteuriser votre boisson. Ça se gonfle de format de poche 2x2x4, évidemment beaucoup plus gros que ça. Et puis, c'est dit, une solution de cuisson solaire du 21e siècle fait de Mylar. Ça concentre le soleil à l'intérieur de la poche. Aucun risque de blessure aux yeux ou rien. Donc, sécuritaire autour d'enfants aussi. Pas pire, hein? Mm-hmm. Ensuite, tiens, votre chat. Vous aimeriez pouvoir dormir sur votre chat. Oui. Mais si vous avez déjà essayé de mettre la tête sur votre chat comme un oreiller, vous allez savoir que votre chat aime pas bien ça. Il va probablement vous gifler. C'est connu, les chats giflent tout le temps. Oui, je l'ai dit, Mathieu. C'est ça, tu connais pas ça. Donc, c'est un oreiller en forme de chat, en peluche. Simple comme ça. Câliner votre félin aussi longtemps que vous le voulez sans avoir la chance de vous faire graffiner la face. L'oreiller a une en fait tellement réaliste l'apparence que je pensais au départ que c'était un chat. Bon. Et qu'on parlait du plancher, mais ce n'est pas. On parle vraiment du chat dans le produit ici. Donc le cadeau idéal pour les amoureux de chat, 30$ seulement américain, bien sûr. Plush Sleeping Cat Pillow. Ensuite, une boîte de demande en mariage à thématique Pokémon. Oh, oh, oh, je sais, c'est de moins en moins populaire d'ailleurs, non. Les Pokémon Go. Là. Ça suffit, on arrête les Pikachu. C'est en forme de Pokéball, la boule rouge et blanche. Et à l'intérieur, t'as une place pour écrire le nom, genre Will You Marry Me, Tania. Et t'as une place pour mettre la bague, 25$, pour dire à votre amoureuse ou votre amoureux que vous l'aimez presque autant que Pokémon Go. Hey boy. C'est fait à la main. Ça peut être personnalisé avec un message de 15 caractères de long. C'est pas supposé être écrit à la main. Tu le fais écrire okay. Par la boutique qui le vend. Là. Okay. Sur, j'imagine, Etsy, non? Ça, oui, Etsy.com. Sûrement. C'est toujours Etsy. C'est Jessica Chu Creations, comme dans Pikachu. Jessica Chu, quand même un bon jeu de mots, on va se dire. Elle est accro. Et quand même cool. Je l'aime bien. On voit dans le monde entier, depuis les États-Unis, fait à la main le plastique, réalisé sur commande. Voilà, donc allez voir sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu coupes, est-ce que tu tranches, est-ce que tu abats du bois des fois pour faire les bûchettes? Très rarement. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est... Non, jamais. J'ai jamais bûché. Ah! Crime, je pensais que t'avais l'air de te souvenir d'une fois que tu l'avais fait, mais non. Mais j'ai déjà joué à ça. Jouer à trancher les bûches. Ben, c'est pas vraiment à trancher les bûches, là. C'est, il faut que tu... Comme aux arcades, là, un petit peu, là. Mais c'est un peu le même mouvement de hache. Je suis dans la famille bêtée, toi. Donc, pour... Ça, c'était méchant, Mathieu. Je sais, je m'excuse, je peux pas m'en retenir. Bref, pour splitter des bûches de bois, pour faire du feu, peu importe, maintenant, vous n'avez plus besoin de hache. C'est un gadget créé par une fille de 13 ans, Tania. C'est comme un bloc thématique Girl Power. Voilà. Vraiment, donc une grosse pile de bois pour faire des petites bûchettes. La fille de 13 ans de la Nouvelle-Zélande a décidé d'attaquer le problème. Sa solution est de virer les choses à l'envers complètement. À la c'est place proactif, de, en tout cas. C'est vraiment proactif. À la place d'arriver avec une hache, tu vas arriver seulement avec une petite masse, une massue. Comment on appelle ça? Une masse, Massou? Ah oh ouais, une petite masse. Une petite masse, ouais, c'est ça qu'on dit? Ah oh ouais. Bref, et c'est comme un petit gadget sur lequel il y a une genre de scie comme d'inclus. OK, tu mets, OK. On s'imagine que tu as une grosse bûche de bois oui. qui va tenir le tout, une table ou peu importe, quelque chose de vraiment solide. Par-dessus, tu as le gadget avec dans le milieu une genre de simili-hache et tu vas venir mettre ta bûchette sur le dessus et avec la masse, tu vas appuyer plusieurs fois et ça va passer sur la hache, sur la tête de hache qui est en dessous. C'est quand même bien fait. Ça s'appelle le Kindling Cracker. C'est fait en fonte. Comme une poêle, comme un chaudron en fonte. Ouais, c'est vraiment bien fait. Ouais, ça accepte les bûches jusqu'à 6,5 pouces de diamètre. Et il y a donc la hache est comme dirigée vers le haut. Tu insères ta bûche et tu tapes avec ta masse ou ta mallette. Pas ta mallette, ça c'est une valise. Ton maillet. C'est ça le mot que je cherchais, le maillet. Et c'est sécuritaire parce que la tête de hache en tant que telle ne bouge pas. La tête de fonte ne bouge pas. C'est toi qui vas venir mettre la bûche sur le dessus. Bref, c'est construit de façon très, très solide, comme vous le voyez sur le petit gif animé sur assemblagerequis.com. Ça coûte seulement 85$. Donc, moi, je dirais que vous allez vraiment vous économiser du temps, de l'argent, de l'effort, de la sueur. C'est sûr. Que des avantages pour ça. Moi, je vois pas pourquoi tu n'achèterais pas ça à 85$ si t'as un foyer à la maison. Ensuite, pour les chiens qui ont chaud, qui veulent se nourrir non seulement de nourriture et d'eau, des fois les gens vont utiliser une bouteille d'eau à l'envers et vont squirter dans la bouche de leur chien. Oui. À chaque fois que je dis squirter, t'aimes ça. Hein? Non, mais c'est troublant un petit peu comme mot à dire à la radio. Parle pas de troublant. ça veut rien dire. iWave Autodog Mug. Ça s'est bien passé. Ouais, donc c'est une tasse de voyage, là, tout ce qui est plus commun, mais pour les chiens qui combinent une bouteille d'eau et un bol d'eau en même temps. Donc vous allez squeezer la bouteille à l'épreuve des fuites pour remplir le bol qui est sur le dessus de la bouteille. Et vous allez laisser votre chien y aller avec sa langue. Et vous pouvez même mettre de la bouffe dedans, il n'y a rien qui vous empêche, c'est un bol. Le bol peut mettre de la bouffe, peut mettre de l'eau dedans, peu importe. Et puis vous laissez à la fin l'eau de trop. Redescendre dans la bouteille, dans le fond. C'est super bien fait, c'est comme le bout de. Mm-hmm. Comment dire c'est comme un entonnoir, je dirais. Oui, quasiment. Ouais. Donc, tu vas squirter par en bas. Tu vas plier sur. Tu vas comme. Pousser sur la bouteille. Et ça va faire sortir de l'eau en haut. Oui. Et là, le chien boit là-dedans. Puis après ça, quand vous relâchez, l'eau retourne dans la bouteille. Et là, vous pouvez mettre de la bouffe dedans. Exactement. C'est aucun problème. Donc, allez voir ça, c'est pour les promenades dans la nature, etc. Super joli, super bien fait. High Wave Auto Dog Mug. parfait pour les amateurs de chiens. Ensuite, ceux qui aimeraient tirer au bureau des choses à leurs collègues de travail, mais qui veulent pas commencer à tirer des boules de papier mouillées, qui veulent pas des Kleenex mouillés, je sais pas qu'est-ce que tu faisais au primaire ou au secondaire là, pour envoyer ça dans des cheveux frisés du monde ou c'est sur les roues. Oui, oui, oui. Ça m'énerve tellement les gens qui sont anti frisotés et anti-roues. Hein? Oui, mais maintenant tu peux tirer des cure-oreilles. Ben voyons, non. Des Q-tips, oui. Avec un petit crossbow, donc un genre de tir à l'arc, là, un arc. Ouais. Tu peux tirer des Q-tips. 10$ pour l'ensemble. Ben, pas l'ensemble parce que ça contient... Oh oui, ça contient les Q-tips. Wow. Parfait pour les gardes de cubicule. Compact, assez pour se mettre caché dans la paume de votre main. Ça vient avec 25 Q-tips et on peut tirer jusqu'à 20 pieds de distance pour 10$. Hmm. En plus, c'est comme un petit... c'est en forme de fusil bleu, tout minuscule. Et la façon que tu tires, c'est pas une gâchette. C'est comme une corde que tu tires en arrière. Que tu relâches pour tirer le Q-tip. Eh ben. C'est cool, hein? Mais je comprends pas pourquoi on pitcherait des Q-tips. Ben, parce que c'est moins violent que d'autres choses. Ah! Moins violent que des élastiques. Ouais, ok. Ouais. Pour vos petits-enfants cow-boys maintenant, cowgirls, faites-les bouger avec des animaux qui avancent tout seuls. Ça vient avec donc des roues en dessous de chaque animal. Et puis on avance, on galope, alors que l'enfant bondit sur le dessus. Donc si l'enfant bondit, ça fait avancer les roues. De l'animal comme un zèbre, un cheval, un tigre. Là, ça fait avancer les pattes de l'enfant. C'est drôle! 260$. Mais c'est dispendieux! Vraiment très cher, 260$. Mais quand même, tu vois comment les enfants ont l'air d'avoir du plaisir. Ah oui. C'est fou! Ensuite, vous voulez travailler à l'extérieur, mais vous n'avez pas le petit cubicule. Mettons, vous êtes, je sais pas, à un festival, vous voulez être productif juste avant de continuer de travailler. Vous êtes loin de chez vous, vous voulez pas être dans votre voiture à travailler. Vous pourriez vous construire ce petit studio pop-up. Hey, c'est vraiment beau. C'est vraiment le fun. C'est pour vous créer un petit oasis de solitude où vous pouvez travailler sans interruption en vous installant dans votre propre studio mobile avec un cadrage d'acier, des murs transparents qui laissent entrer la lumière. Et ça peut être configuré de différentes façons pour aller avec vos besoins. Mais c'est vraiment un petit studio de bois. Les casiers de bois, le plancher est en bois, c'est comme du genre de contreplaqué, je dirais, et le reste est en acier. Je sais pas comment tu peux pop-upper ça si facilement que ça. Je sais pas non plus, mais bon, ça a l'air que tu peux. Hein? Ça a l'air, hein? On montre pas comment le défaire en morceaux. Minimummoralia.co.uk pour vous le procurer. Le prix n'est pas inscrit sur la page web, donc j'imagine que c'est très, très, très, très, très, très cher. Ils ont l'air de l'installer pas mal sur le toit d'une bâtisse. Peut-être si t'es dans un bloc appartement avec un toit, tu pourrais installer ça là. Sûrement. Je sais pas si c'est légal, si ton propriétaire voudrait. Mais bon. D'après moi, oui, tu le demandes. Je pense, peut-être. Il s'est installé de la lumière là-dedans, des plantes, une chaise, plein de choses. Son ordinateur est là. Tout est une machine à coudre. Ah, wow! C'est hot. Assez fancy tout ça, donc allez voir sur minimummoralia.co.uk. Ensuite, il y a des maisons japonaises qui en ce moment ont un problème de Snorlax. Est-ce que tu sais ce que c'est un Snorlax? Non. C'est un personnage dans Pokémon. Eh ben oui, évidemment! Eh oui! Donc, il y a un coussin Snorlax qui est bien populaire en ce moment sur Internet. Ça dit sur Internet qu'il est assez gros pour coucher dessus. Mais c'est peut-être trop gros pour certains clients japonais qui en ont acheté un. Parce que les gens... Ça rentre pas! On passait sur Twitter des photos d'eux en train d'essayer de faire rentrer la boîte dans la maison. Il a tweeté c'est ça. C'est géant! Étape par étape. Ça fait presque 5 pieds de haut et 4 pieds de largeur. Le Snorlax n'est pas juste une idée. C'est devenu un coloc maintenant. Ben oui. Un coloc. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est étape par étape. Comment ils ont pas... C'est comme un frigidaire de la misère à la rentrée. C'est ça. Mais moi, je te dirais, ouvre la boîte dehors. Amène le Snorlax en dedans parce que c'est un toutou en plus. Ben oui, bonne idée. Puis défais la boîte. Il y en a pas de problème. C'est vrai. Puis de toute façon, quand t'as quelque chose qui dit qu'il est 5 pieds par 4 pieds, hein, tu devrais savoir que c'est gros. En effet. Est-ce que tu joues de la guitare? J'ai déjà joué. Est-ce que ça te faisait mal aux doigts? Dieu, oui. Ouais. Ben, tu pourrais peut-être commencer à jouer avec... ça ressemble à des dés à coudre en caoutchouc, mais c'est fait pour jouer de la guitare. Ça me prendrait ça. C'est fait pour garder le contrôle de tes doigts, là, contrairement à un dé à coudre où t'as plus vraiment le contrôle. Ouais. Bref. Des protecteurs de bouts de doigts pour jouer de la guitare, du ukulélé et d'autres instruments à cordes. Les protecteurs viennent en emballage de 4, sont faits de silicone, food grade, donc qui peut toucher à de la nourriture sans problème. Et puis ça s'étire pour la grandeur de votre doigt. Ça peut aller de l'index jusqu'au... Annulaire. Annulaire, c'est ça? Le petit auriculaire. L'annulaire, c'est donc l'avant-dernier. Ouais. Ouais. Mais tu peux jouer avec ton petit doigt aussi. Peut-être, mais les dés ont pas l'air d'être assez petits pour ça. Mais oui, mais il y en a un que c'est son petit doigt, là. Ben oui, toi. Parce que ça dit, non, mais pour vrai, dans l'article, ça dit index through ring finger. Et le ring finger, c'est celui-là. C'est l'annulaire. Le c'est ring vrai. Finger, le doigt où tu mets ta bague de mariée, c'est pas le petit doigt. Là. T'as bien raison, mais sur la photo, c'est tous ça. Les doigts en ont un. Mais moi, j'ai l'article, toi, tu vois les photos. Tu vois, on a chacun notre et voilà. Perception des choses. Bref, chaque protecteur a une ouverture au bout qui va permettre à vos longs ongles de passer. Pour mesdames, messieurs qui ont des ongles plus longs. Et puis, ça serait parfait pour les débutants qui ont pas encore créé leur petite corne sur le bout des doigts. Oui. Hein? Ça arrive, ça se fait assez ou rapidement, les cornes. Les filles, tu sais, honnêtement, je sais pas comment Dolly Parton a fait pour jouer juste avec des ongles comme elle a. J'avoue. Ça a tellement l'air compliqué. 4,86$ pour l'ensemble de, comment qu'on avait dit tantôt, combien? 4, emballage de 4. Voilà, donc Amazon.com. Ensuite, on dit tout le temps que tout est connecté de nos jours, que ce soit une bague, un collier, peu importe. Maintenant, le ballon de football américain est aussi connecté. Pour aider à perfectionner votre talent de joueur, vous pouvez changer votre ballon de football américain par un autre connecté. Super high-tech avec une application spéciale qui surveille vos statistiques comme les passes complétées, l'efficacité de vos spirales et de votre spin, ce qui peut améliorer votre jeu avec chaque lancé pour 200$. C'est par la compagnie Wilson, hein, c'est la même compagnie que les ballons de soccer, je pense. Hein? C'est ça, le W de même? Je pense que oui. Je pense que oui. Ensuite de ça, on reste dans les sports, entre guillemets. Ah, ouais, t'es sport, toi. Oui, le Beer Pong. Maintenant, c'est un petit robot, le Pongbot, qui est l'évolution du Roomba Beer Pong. Est-ce que tu connais le Roomba Beer Pong? Non, mais en fin de semaine, j'ai fait la découverte du Base Pong. Du Base Pong? Ouais, c'est exactement... Base Pong! Faut que tu pognes le plus de base possible dans la soirée. Hein? Non, mais c'est comme... Ah, t'es terrible. C'est comme le beer pong, mais sous format de baseball. OK, raconte-moi comment ça fonctionne. Ça joue avec des marbres. Okay. Donc, en fait, t'as une lignée de verres qui est de 4 verres parce que t'as le premier but, le deuxième but, le troisième but. Puis t'as un verre au bout. Là, tu dois lancer ta balle dans le premier verre. C'est un petit peu comme un flip de cup, en fait. Je connais même pas le flip de cup. Ah, mon Dieu, OK. Mais tu lances ta balle dans le premier verre. Si tu le réussis, tu vas boire le verre. Ouais. Et par la suite, il faut que tu lances au deuxième et ainsi de suite. Mais vous êtes en équipe. Wow. Et la première personne qui, en fait, remporte, c'est la personne qui est la plus saoule parce qu'elle elle a bu comme toute la rangée. Elle a bu le verre qui donne les points au bout puis elle est revenue. Wow! Donc, c'est, ouais. Tour du chapeau. Tour du chapeau. Bref. Home run. Home run, c'est ça. Je mélange peut-être les termes. Donc, le Roomba Beer Pong, pour ceux qui ne connaissent pas, ça joue avec un Roomba, c'est la balayeuse qui fait le plancher. Là, ah, OK. Bon, là, c'est un peu le même principe. Donc, Roomba qui agit comme porte-verre et le joueur doit envoyer sa balle de ping-pong dans un des verres alors que le Roomba bouge. Maintenant, c'est le Pongbot. C'est fait avec un petit robot. Donc, c'est une Roomba avec un porte-verre à la place d'un aspirateur. Parce que l'aspirateur, d'habitude, serait en dessous de la Roomba. Du Roomba. Ça ramasse de l'argent sur Kickstarter en ce moment. On demande 40$ pour votre ensemble. J'imagine que ça vient avec les verres, ça dit un ensemble. Est-ce que c'est une télécommande qu'on a sur le côté? Faudrait que je regarde ça la vidéo un ça, peu. En tout cas. Donc, on voit le robot se déplacer, le Pongbot. Et là, les gens essaient d'envoyer les balles dans les verres alors que le Pongbot bouge. Et en effet, c'est une télécommande qui permet de faire tourner, spinner sur soi-même le porte-verre. Et il y a aussi un empêche-tombage en bas de la table. T'as un détecteur pour pas que le Pongbot tombe en bas de la table, on se comprend. Ah, donc tu peux le laisser sur une table. Ce qui pourrait être vraiment cool, moi je pense qu'aux prochaines initiations ou aux soirées Beer Pong du 10-12, peut-être que ce serait une bonne idée pour améliorer le jeu un peu. Pongbot, voilà, sur Kickstarter. Ensuite, on reste dans le même domaine du Beer Pong avec les verres Party Cup. Tu connais les verres Party Cup rouges avec lesquels on joue au Beer Pong. Il y a maintenant des verres en acier arc-en-ciel. Ils sont malades, j'en veux! Steel Rainbow Party Cup. C'est vrai que c'est vraiment beau. Une bonne idée quand même. C'était seulement disponible jusqu'à maintenant dans les frat parties. Maintenant, apparemment, que c'est rendu plus grand public. 16$ pour en acheter un ensemble. Ça ne dit pas de combien. Non, ça ne dit pas. C'est sur perpetualkid.com. On les retrouve pour 16$ pour, attention, sur l'article, là, sur le magasin d'origine, s'il vous plaît, dites-le-moi. Oh, trop de pop-up puis de publicité. Tout le temps. Ça n'a pas l'air de le dire. Est-ce que c'est juste un? Non, j'espère pas. Je pense que c'est peut-être juste un. Avoue qu'en acier pour 16$. Ouais, OK, peut-être. Quand même, ça. Bref. Ensuite, on reste dans les boissons, les verres, avec les Chilo Stainless Steel Swizzle Sticks. C'est des bâtons qui brassent et refroidissent votre boisson en même temps. Ouh! Ouais. Donc, si vous voulez un meilleur petit bâton qui est en plus super beau, Les Chilo Stainless Steel Swizzle Sticks sont pour vous un ensemble de 4 bâtons sophistiqués, faits d'acier inoxydable avec les bouts ronds. Et c'est rempli de gel, de freezer gel, donc de gel pour geler les choses. Vous avez qu'à les mettre dans le congélateur pendant quelques heures avant de partir et ensuite vous allez pouvoir brasser et refroidir votre breuvage en même temps. Moi, je comprends pas vraiment parce que si tu descends dans l'article, t'as deux types. Ils te le vendent. Oui, sur Amazon, oui. Sur Amazon, deux fois. Il y en a un à 26$, il y en a 4. Puis l'autre à 4 aussi, ils te le vendent 60$. À droite, c'est sur eBay. Non, en dessous. Ah, en dessous, excuse-moi. Des fois, il y a des boutiques extérieures qui vendent plus cher. Ah, faites peut-être. Attention. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Parce que c'est par des vendeurs externes à Amazon. Quand c'est pas marqué sold by and shipped by Amazon, quelque chose comme ça, faites attention. Ils pourraient même vous crosser des fois. Mm-hmm. Ouais. Faites attention. Ensuite. Tiens, ceux qui ont de la misère, je parlais avec une de mes amies qui me disait... Oh, pourquoi est-ce qu'on dit ça comme ça? Je sais pas. C'est une amie. Il y en a qui ont de la misère à trouver leur fil d'iPhone des fois, leur petit blog d'iPhone, peu importe. Oui. Si vous avez de la misère à les trouver... Boswell. Vous avez... je sais. Vous avez besoin de ce iPhone Umbilical Cord Charging Cable. Mathieu, c'est dégoûtant. C'est fait pour ressembler à un cordon ombilical. Ouais, ben c'est justement, c'est dégueu. C'est et est-ce que t'as vu à quel prix ils vendent ça? Mais là, combien paierais-tu pour ça, toi? T'es fou, vraiment pas ce prix-là. 6 079,80$. Hey, non. T'es donc matchy. Ah ouais, là-dessus, là, ouais. C'est fait en quoi, un cordon ombilical? C'est fait en... Je sais pas, mais c'est pas en peau, mais c'est ce qui relie les fibres humaines. Pas un bout d'utérus. Attends, là, j'ai allé voir. Bref. Ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à un vrai cordon ombilical, évidemment sans le sang et sans tout ça dessus. Et tu viens brancher un bout de ton iPhone. Dans ce cas-ci, on dirait que c'est un iPhone genre première génération. Tu branches dedans avec les 30 pins. Puis de l'autre côté, tu branches dans ton petit bloc recharge. C'est tout. Ouais. 6 000$. T'as pas trouvé, c'était fait en quoi? Attends. Parlons ensuite du QB. Ça dit pas c'est fait en quoi, parce que ça dit simplement que c'est un organe. Fait que j'imagine que c'est comme de la peau. Attends, c'est... C'est enroulé. Ah, je l'ai, je pense. C'est un aspect torsadé. Ça vient de deux artères qui sont enroulées autour d'une veine. J'ai comme mal, ça y penser. Oh. Ouais. On n'a pas assez écouté en biologie, sûrement parce que c'est dégueulasse. Et voilà. Moi, cette partie-là, je voulais pas d'enfant, ça crée. Okay, bon, c'est tout maintenant, monsieur. Et voilà. T'as peut-être déjà voulu faire de l'exercice en tout ton bureau. Oui, hey, oui, ça m'est déjà arrivé, sérieux. On a tous les bonnes intentions de le faire, mais on le fera jamais. Donc, peut-être qu'on pourrait se procurer le QB. En fait, peut-être que C'est fou pourrait se trouver un partenariat. OK, les studios de ma chaîne de télé sur le web, twit.tv, ma chaîne préférée que j'écoute tout le temps, eux, ils se sont fait commanditer des Veridesk. Est-ce que tu connais Veridesk? Non. C'est des... tu mets ça sur ton bureau, c'est comme un morceau de plastique, OK? En deux étages, t'installes dessus ton écran, ta souris, ton clavier sur le bas, etc. Ouais. Et t'as une poignée pour le monter, ça devient un bureau debout. Ah, ça, j'aime c'est ça! C'est tout automatisé, ça coûte 300$ par personne, ils ont reçu une commandite, ils en ont acheté pour toute l'équipe. Hein? Indice. On pourrait se faire commanditer ça. Et le QB qui irait pour chaque employé en dessous du bureau. C'est pas cher, là. On est pas nombreux. Non, c'est vrai. Donc, tu mets ça en dessous du bureau et tu patauges, tu fais tes exercices. Moi, je te dis ça, là, de même, là. Un partenariat de feu! Bref, le QB. Et ce que tu veux, peut-être, c'est un petit elliptique qui va sous ton bureau. Ça opère de façon silencieuse pour ne pas déranger vos collègues de travail, peu importe combien ils sont. Et il y a 8 degrés de résistance pour vous aider donc à vraiment prendre la bonne intensité pour faire votre workout quotidien sans avoir à suer. Moi, évidemment, j'ai même pas à faire de mouvements que je sue à profusion. Comme j'ai dit précédemment. Donc, le QB peut faire brûler jusqu'à 150 calories par heure. C'est vraiment quand même beaucoup. C'est un appareil connecté pour pouvoir surveiller votre progrès après, avec une application. 350$ par appareil. Tu vas avoir des mollets de feu quand tu termines. Oui, 350 américains et on peut les acheter en un emballage de plusieurs, donc en vrac si on veut, pour faire des économies. Donc mets-toi là-dessus, Tania, on attend après ça. Ouais, d'accord. Ensuite, le Paper Tracks. Pour les enfants et les enfants de cœur qui veulent faire des petites courses de char, tu sais, des petits chars là, en métal, mais sur le mur à la place du plancher. Ah! Ouais. Donc, si t'aimais jouer au Matchbox ou autre quand t'étais plus jeune, les petites voitures, et puis là, ben, tu commençais à avoir mal aux genoux parce que t'étais tout le temps en train de faire ça à terre. Tout le monde connaît c'est ça. C'est vrai, hein? Ouais. Tu te ramassais les genoux genre blancs. Ouais. Ça te déteignait les couleurs du petit tapis que tu mettais à terre d'éteigner sur toi. Donc, les Paper Tracks recyclables, complètement en papier. C'est des pistes de course attachées au mur avec des collants 3M. Tu sais, 3M, on aime ça, les post-it, c'est fait avec du collant 3M. C'est assez facile pour que les enfants puissent les utiliser. Tout ce qu'on a à faire, c'est de plier les tracks et les coller sur le mur avec du ruban adhésif Command par 3M. Ils vont être divertis pendant des heures avec les pistes qu'ils vont pouvoir créer. Alors qu'une boîte de Paper Tracks contient 12 pieds de pistes pour 25$. On peut se renseigner sur papertrackstoys.com, tracks avec un X. Et c'est sur amazon.com aussi, bien sûr. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, tu sais, quand tu portes des sandales, moi, les sandales me donnent mal aux pieds. Des gougounes, tu veux dire? Ouais, ouais. Surtout le petit milieu, là. Ça, j'en entre les deux orteils. Non. Non? Jamais j'achète ça. Non. OK. Moi, j'achète ça avec du velcro en avant parce que je suis pas capable de la petite languette dans le milieu. Oui, oui, oui. Ben ça oui. me fait ultra mal. J'ai les ampoules qui le poussent là. Exactement. Je sais pas comment les gens font pour porter ça, mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Moi, non seulement ça fait ça, en plus, genre les côtés de plastique me rentrent dans la cheville. Mm-hmm. Ça me fait des grosses plaies là aussi. Et en plus, là, je porte des orthèses. Et en marchant, même s'ils sont serrés, je marchais, puis je trouvais, il me semble... T'es perdu? Ben, je te jure, juste d'un côté. J'étais comme, je marchais, puis ça faisait un squick, squick, squick de plus en plus agressant. Jusqu'à temps que je regarde en bas, j'étais quasiment rentré chez nous, là, à genre 10 minutes à pied là, d'où j'étais allé. Uh-huh. Je regarde, mon pied était presque complètement sorti. J'aurais pu perdre mon orthèse. Ah oh, non! Bref, tout ça pour dire que vous pouvez maintenant vous acheter des sandales avec des pierres de massage dessus. À la place. Ah, c'est hot. Tu sais, les petites roches de massage, il y a des massages par roche. Bon. Oui, oui, oui. Ben, c'est le même principe. C'est comme un genre de, je sais pas si c'est du bambou ou du bois. Et dessus, il y a des roches intégrées. Et vos pieds vont se faire masser pendant tout le temps que tu vas marcher. Ah, c'est si plaisant. Elles sont stratégiquement placées pour vous donner de la relaxation et un massage détoxifiant pour 32$ environ par paire américain. Mais c'est aussi au début, par exemple, ça doit être assez inconfortable. Vraiment, là. Parce que si tu fais comme moi de la fascite plantaire, c'est peut-être pas conseillé. Exact. Tu vas vraiment avoir mal. Mais bon. Pas trop sûr. Essayez-le, vous verrez. Alors, on a parlé tantôt de coller des choses sur le mur. Oui. Cette fois-ci, c'est des notes autocollantes qui utilisent de la sorcellerie au lieu d'adhésif pour coller. Pardon? Ouais, ouais. De la sorcellerie. Les choses n'ont pas beaucoup changé chez Post-it depuis 1979. Non, hein? Depuis 37 ans. C'est pareil comme c'était. Et bien maintenant, les Tesla Amazings Magnetic Notes sont la prochaine étape. Ça utilise la statique pour coller à la place sur des surfaces sèches. Et c'est même pas fait de papier en tant que tel, c'est fait de films de polypropylène. Elles sont à double côté. Donc, il y a un côté coloré qui est parfait pour écrire des choses normales. Et le côté derrière est effaçable comme un tableau blanc. C'est cool, okay. Hein? On peut les trouver à Singapour, même shippable en Amérique du Nord, pour 4,50$, non, 3,30$ américains environ pour un paquet de 100 feuilles. On peut les retrouver sur magnetic.sg. Donc, un côté écrivez au stylo, peu importe, l'autre côté écrivez avec un tableau blanc, un crayon à tableau blanc. Et ça colle tout le temps par électricité statique. Ah, ouais. Ça m'impressionne vraiment beaucoup, ça. Vraiment? J'en veux. En plus, c'est pas du papier, donc j'imagine qu'on peut peut-être réutiliser le côté tableau blanc, j'imagine? Sûrement. Je sais pas. Est-ce que tu fais des œufs des fois, des œufs à la... pas à la coque, mais... tu sais, qui restent jaunes à l'intérieur, que tu peux comme manger... Moi, les œufs qui dégoulinent, quoi, c'est non. C'est quoi le nom de ça? Ben, c'est un œuf à la coque. Non, œuf à la coque, c'est dur. Ah, je suis mêlé. Un œuf cuit mou? Peut-être. Je sais pas, appelle-le comme ça pour le besoin de la coque. Pas bénédictine. En tout cas, tu sais, les œufs coulants. Ouais. Bon, on sait ce que c'est, mon frère. Miroir. Ouais, non. Mais non, ça, c'est cuit, mais... Ouais, ça, c'est... Bref, ça s'appelle le Pillow Egg Cup de la compagnie Suck UK. Oui, Sus UK. C'est comme un petit oreiller, fluffy, mais c'est fait de céramique. C'est fait pour tenir votre œuf cuit bouilli pour votre déjeuner matinal, peu importe. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ça tient votre œuf et vous pouvez manger dedans, tremper votre... On appelle ça un œuf poché, apparemment. Un œuf poché? Ah oui? Non, mais moi, je pensais qu'un œuf poché, c'était directement dans l'eau. Ben, moi aussi, je pensais ça. Je ne sais pas, Tania, je ne suis pas un connaisseur de ça. Parce que ma source s'est trompée. Ça me dégoûte un peu, ça. Moi aussi, je suis pas capable. Je prends mes œufs miroirs, puis j'ai fait péter mes blancs d'œufs, mais d'avoir juste le blanc d'œuf au complet devant moi dans un œuf, je trouve ça dégueulasse. Ils utilisent des petits... je sais pas c'est quoi, peut-être... J'ai envie de dire quelque chose de cuit, de riz, de collation, peu importe, croustillant. Ouais. Ils trempent ça dans leur œuf. Je trouve ça dégueulasse. Mais bon, vu que c'est fait en céramique, vous allez pouvoir nettoyer ça facilement. Voilà. On a encore le temps pour peut-être un petit 5 derniers, rapidement. Commençons avec le Spire, qui est un appareil qui vous permet d'arrêter de stresser. Est-ce que t'es quelqu'un de stressé dans la vie? Est-ce que tu te sens... Ça dépend quand. Ouais. Ces temps-ci, oui. Ouais? Ouais. On vit dans un monde donc, où tout est connecté, et maintenant vous avez le Spire qui vous aide à relaxer, mais de façon connectée. C'est un peu comme une roche dans un jardin zen. Tu sais, les petits jardinsaines avec un râteau. Ouais. Donc, c'est l'appareil qu'on attache à sa ceinture ou peu importe où. Et puis, c'est une plateforme qui va vous envoyer des rappels pour vous déstresser. OK. Oublie pas de déstresser. Ben, ça, c'est déjà stressant de recevoir des notifications de ça. Ben oui, tu sais, laisse-moi stresser en paix, là. T'es pas obligé de me rappeler que je suis stressée. Mais toi, t'es dans le milieu d'une réunion, puis on te demande de stresser, qu'est-ce que tu fais? De déstresser, tu vois. De déstresser. Donc, ça traque vos activités quotidiennes, votre respiration, et ça vous rappelle quand c'est le moment de prendre une grande respiration et de relaxer. Ça coûte 130$, ce qui, moi, me créerait un stress financier. Quand même. C'est sur le site web. En fait, c'est disponible sur Amazon aussi. C'est pour iOS ou Android. Ça demande donc un appareil compatible. Il y a une liste sur assemblagewiki.com. Ça mesure, comme je dis, la respiration. Ça vous donne des commentaires pour rester focusé. Ça indique la tension. Ça vous donne des notifications douces. Que ça dit? Des notifications douces. Ouais, ouais, ouais. Tu peux ça le clipper. Ça te flatte dans le sens du poil. Peut-être. Ça te clip sur tes pantalons, sur ta brassière. Ça va surveiller aussi tes calories et d'autres choses. La durée de la pile est de 7 jours. Parce que sinon, tu vas stresser par rapport à la batterie aussi. Mais oui, évidemment. Bref. Ensuite, tiens, ceux qui aiment jouer au billard, mais qui veulent pas que ça prenne toute la place. Mm-hmm. Mettons, vous avez une grande cuisine, mais vous n'avez pas de sous-sol ou rien pour mettre une table de billard. Donc, mettez votre table de billard dans la cuisine. Hein? C'est simple, c'est une table, tout ce qui est le plus classique, sauf qu'à la place, c'est un peu comme les tables qui ont une extension dans le milieu. Oui. Bon, c'est un peu le même principe, ça glisse la plaque sur le dessus pour révéler une table de billard en dessous, en bois. Ah, c'est génial. Vraiment cool. C'est vraiment beau en plus. Que... Oh, oui, c'est la compagnie Aramith qui a créé cette solution-là. C'est la table Fusion Table. Et puis, c'est ça. C'est à peu près tout ce que vous avez à savoir là-dessus. 7 995$, bien sûr. Complètement personnalisable à vos goûts. Vous pouvez choisir parmi 6 bois différents, 27 couleurs de tissu, n'importe quelle combinaison de bancs, chaises et table d'à côté, table d'appoint, pour faire votre meuble le plus unique possible. Vendre votre meuble le plus unique possible, voilà. Mmh. L'équipe a travaillé bien, bien fort là-dessus, c'est pour ça que ça coûte 8 000$. T'aimerais ça pouvoir faire fumer des trucs, faire fumer du jerky, faire fumer du bacon à l'extérieur de chez toi? Je vais dire oui pour le besoin de la cause, ouais. Mais je suis pas tant... Côtelette faisons... de porc. Oh. J'aime pas les affaires fumées, ben c'est non. Ah, mon Dieu. Donc, pour faire ça, vous allez avoir besoin de votre iPhone en utilisant le Charbroil Smart Smoker. Bon, rien de moins encore l'iPhone. C'est un fumeur électrique numérique de la compagnie Smart... La technologie Smart Chef par la compagnie Charbroil. La façon ultime de surveiller votre brisket bacon, coke levé ou peu importe dans votre fumoir. Traditionnellement, les viandes fumées sont un processus qui prend toute la journée. Il faut tout le temps vérifier la température, s'assurer que c'est bien chaud pour que ça cuise d'un bord à l'autre, mais pas trop chaud pour assécher votre viande. C'est très délicat. Avec la compagnie, la technologie, encore une fois, Smart Chef, votre téléphone va se connecter à votre fumoir pour vous dire quand la température est atteinte et ça va changer la température automatiquement, j'imagine. C'est bien ça. Le temps estimé aussi avant que ce soit terminé. Un petit livret aussi pour lire là-dessus. Ça fonctionne avec les iPhones de génération 4S à plus récente, les téléphones Android depuis KitKat, et le système est une bonne façon de continuer de savourer votre temps dans votre cour arrière, voilà. Ah, voilà. Et vous allez pouvoir divertir les gens aussi, tout en n'ayant pas à tout le temps être en train de courir après votre fumoir. Ensuite, votre temps, tiens, on en parlait, votre temps est peut-être très important. Oui. Vous aimeriez pouvoir savoir le temps que vous passez sur différentes choses. Pas sûr. Le ZEI, avec un petit signe de degré, Time Tracker, est un outil intelligent pour savoir où passent vos minutes et vos heures. Donc, vous allez être capable maintenant de surveiller tout ça, parce que vous allez avoir, donc, c'est comme un dé. Genre, un dé à plusieurs côtés. On dirait une petite pyramide, presque, si on veut. Donc, un dé qui tourne de plusieurs côtés. Il y a là-dessus courriel, il y a dîner, Facebook. Et quand tu changes d'activité en tournant le dé, parce qu'il y a un côté qui est comme sur le dessus, ouais. Tu changes le dé de côté et ça va dire à l'application quelles activités vous êtes en train de faire. Oh, d'accord. Et le ZEI petit degré va automatiquement traquer le nombre de minutes et d'heures passées sur chaque activité. Faut juste pas t'oublier de le bouger. Faut pas t'oublier de le bouger et ça va synchroniser avec votre ordinateur et votre téléphone pour pouvoir comprendre votre propre productivité. Voilà. Ouh là là! Pour les gens avec un grand horaire compliqué. Et pour terminer, parce que oui, la chronique commence à être longue, c'est pour rendre n'importe quel tableau blanc intelligent avec le Equal Smart Maker. Chaque session de brainstorm a besoin d'un tableau blanc et d'un marqueur. C'est quand même assez évident, nous dit Connectedly.com. Le smart maker de Equal change n'importe quel tableau blanc en surface intelligente, vous assurant que vos idées soient sauvegardées pour toujours. À la place de prendre une photo de votre tableau blanc, eh bien, c'est un système en deux parties qui rend n'importe quel tableau intelligent. Vous glissez vos marqueurs sur le manchon smart maker, dans le manchon smart maker. Vous attachez le tableau de capture, de capture à votre tableau blanc. Et maintenant, tout ce que vous écrivez sur votre tableau blanc va aussi être écrit dans l'application et va pouvoir être partagé avec votre équipe. Oh, c'est si bien fait. N'importe qui avec un laptop, une tablette ou un téléphone peut voir tout ce qui est écrit en temps réel. Ils peuvent personnaliser ça avec leurs propres annotations. Évidemment, ça ne va pas se reproduire sur le tableau, quand même pas. Non. C'est pas mal ça. Vous pouvez le synchroniser avec Evernote, OneNote, Dropbox, Google Drive et plusieurs autres parce qu'il y a une mémoire à l'interne et une mémoire sur Internet. Donc, ça s'appelle Equal Smart Maker. On dirait un médicament que tu prends quand tu as le rhume. Oui. Je te prendrais un Equal. Hey, la fille, elle écrit vraiment bien. Oui, ben c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on me dit que je suis une fille des fois. Parce que j'écris bien. Voilà, c'est tout pour Ça existe, ça ne devrait pas. Là, on a fait une bonne grosse chronique d'une quarantaine de minutes. Retour, ce sera à ton tour, Tania Baudin. Ah ouais? Oui. Pour une autre portion de Tania is gonna entertain ya, au retour à Assemblage requis. Restez là. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes à Cibout? 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis pour la semaine du 29 août 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Ok, oui, il nous reste encore la moitié d'émission à faire. Oui. Plus tard, on va boire quelque chose que j'ai très très hâte de goûter. Encore température pièce parce qu'on n'a pas de réfrigérateur. Il nous faut une commandite pour un réfrigérateur aussi, Tania, je te dis ça de même. Et là, hein? T'en as des choses à faire. Ouais, je sais. Dans quelques instants, ce sera ta chronique Tania is gonna entertain ya, mais j'ai envie d'entendre une pièce de musique avant ça. Que dirais-tu d'entendre une pièce de fudge? Pourquoi pas? J'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Est-ce qu'on sait même si c'est en français ou en anglais? Fudge. Je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est en français? C'est en français. OK. Good. Fudge. Tu parles de Lazare? Oui. C'est bien et bien une nouvelle entrée du côté francophone. Comme on dit, Lazare fait bien les choses. Oh! C'est Lazare et Lazare. Et voilà. Comme je suis dyslexique, c'est quand même... Ça fond dans les oreilles, ça, tellement c'est bon. Fudge avec Lazare à Assemblage requis. Maintenant, Tania, c'est pas un hasard, c'est tout le temps la même heure environ à chaque semaine. À peu près, t'as bien raison. Parce que je fais tout le temps une carrière plus longue que... C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta ta ta. C'est drôle, mon oreille a débouché pendant que je chantais. Je me suis bouché l'oreille en mouchant. Ouais, puis ça doit chantant, être que j'ai chanté vraiment aigu. Ça doit être ça. Bref, Tania et Gonna Entertainment, on parle de sport aujourd'hui. Oui, bien évidemment, parce que, comme je le disais, pour certains, la session universitaire va commencer dans quelques jours. Mais pour d'autres, la session universitaire, elle a commencé avec les camps d'entraînement oui. des différentes équipes des Patriotes de l'UQTR. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en discuter, parce que, bien évidemment, la session va commencer, mais eux vont peut-être déjà avoir commencé leur saison sportive. Alors, de ce côté-là, si jamais ça vous intéresse, c'est sûr qu'il y en a pour certains qui va commencer à avoir des camps de préparation. Pour d'autres, c'est déjà terminé. On a déjà créé les équipes. Et je me suis dit, pourquoi pas en même temps faire un tour d'horizon peut-être de certaines équipes locales qu'on aimerait peut-être discuter un jour. Qui oui. sait? Et tu vas tellement faire le tour que tu vas spinner sur ta chaise entre chaque sport. Ouais, je sais. T'as-tu vu à quel point je spinne? C'est fou, hein? Ça, c'est parce que j'ai des talons dans les pieds, fait que là, je peux le faire. Oui. Je voulais tout simplement commencer parce que l'été tire à sa fin aussi. Alors, je voulais bien évidemment parler de l'équipe du baseball des Aigles de Trois-Rivières. Toi, je sais, Mathieu, qu'à tous les matchs, tu es derrière la console oui. ici, donc tu entends. 61 matchs cette année. Exactement, 61 matchs. On n'a malheureusement peut-être pas eu la saison espérée qu'on espérait comme l'année dernière. Mettons qu'on n'ira peut-être pas en finale. Oui, on n'ira peut-être pas Je vais pas dire en finale. En série éliminatoire. En série éliminatoire. Est-ce que c'est mathématiquement impossible maintenant ou est-ce qu'il y a encore s'ils gagnent toutes puis toutes les autres perdent? Écoute, je me suis rendue sur le site des Aigles de Trois-Rivières cet après-midi pour justement avoir certaines informations par rapport à ça. On est toujours sixième au classement avec 32 victoires et 61 défaites. 61 défaites. Oui, et en cinquième position, eh bien, c'est le club de Sussex County qui est là avec 37 victoires. Donc, en théorie, ce qui nous sépare, c'est simplement 5 victoires. Mais il faut s'assurer à ce moment-là que Sussex les 5. Absolument. Ce qui devrait pas nécessairement arriver si on se fie à leur dernier match. Ouais. Alors, de ce côté-là, probablement que mathématiquement, ça va être impossible. De toute façon, même s'ils réussissent à se rendre en 5e place, il faut être dans 4e place pour réussir. Si je me souviens bien, ouais. oui. Alors, de ce côté-là, c'est un petit peu malheureux parce que, bien évidemment, on se souvient que l'année dernière, on avait eu une saison vraiment très, très belle. Ouais. On avait gagné, entre autres, le championnat. Donc, on est les champions défendants 2015. Mais cette année, il y a eu quelques changements au sein de l'équipe, tout oui. simplement. Et peut-être même côté du jeu, côté des joueurs, ça l'a changé. On a fait plusieurs changements du côté de certaines positions, certains joueurs, certains coachs aussi. À chaque semaine, il y avait un changement quelque part. Oui, exactement. Je pense qu'on va historiquement, dans le futur, dire que c'était une année de transition. Oui, exactement. J'ai comme l'impression qu'on va peut-être partir de l'année 2016 par la suite comme étant l'année zéro. On a vraiment ouais. remis à neuf le club. Reset! On a fait un gros reset. On l'a fait malheureusement peut-être pas à temps. Peut-être un peu tard. Exactement. Je pense qu'on était rendu à la moitié de la saison quand on a changé de coach. Exactement. Je pense qu'on était rendu déjà à comme 24 défaites. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, de ce côté-là, ça l'a peut-être pas aidé, mais bon, dernièrement, on a quand même eu une très belle relevée depuis le que TJ Stanton, le nouvel entraîneur, est arrivé. J'ai comme l'impression aussi que ça a resserré certains liens au sein de l'équipe entre les joueurs. Donc, de ce côté-là, on a pu voir plusieurs autres victoires arriver en fin de saison comme ça, mais malheureusement, c'est pas assez pour qu'on puisse faire les séries. Trop peu trop tard. Trop peu trop tard. Bien dit, Mathieu, bien dit. Merci. On a quand même continué à faire quelques acquisitions sur certains joueurs, mais bon, on le sait, ça va pas changer les chiffres comme ça de façon magique. Mm-hmm. Pour ceux que ça intéresse, les Aigles vont être du côté du stade de Trois-Rivières ce soir. Mardi soir, exactement. Mm-hmm. Oui. En fait, sont au stade aussi les jours de rediffusion. Et samedi et dimanche, oui, il y a un match. Oui, exactement, mais contre une autre équipe, et je crois que c'est contre Sussex, et voilà. Ah ben tiens. Donc, voilà, ça va jouer là, peut-être, et là, ouais. Là, tu sais, comme... Non. On va réussir à créer l'excitation autour de ça, pareil. Mais ça serait fun quand même de ne pas terminer sixième si on est capable de terminer cinquième. Mais t'as vu que les gens se présentent quand même au stade. Les oui, gens plusieurs partisans qui sont là. Ouais. Je pense qu'on a quand même une ville à Trois-Rivières qui est une ville de baseball, une ville de hockey aussi. On va en parler un petit peu plus tard. Mais si on se fie, par exemple, aux chiffres qu'on a discutés à l'intérieur des portes fermées, clos entre C'est fou et l'équipe, si on se fie à la télé web, ça, c'est le nombre de personnes qui vont écouter par la bande. Notre fameuse radiodiffusion. Ouais. On parle quand même de 1400 partisans par match sur le web. C'est beaucoup. Ça compte moi parce que je la regarde souvent sur le web. Oui, aussi, mais c'est parce que bien souvent, tu vas l'écouter à la radio, mais tu veux la voir aussi, donc tu vas aller sur le web et c'est quelque chose qui est très, très facile à faire maintenant. Donc, de ce côté-là, 1400 par match. On a eu, pendant les matchs contre Cuba, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était des gros matchs qui ont amené plusieurs partisans, que ce soit au stade ou que ce soit sur Internet. Sur Internet, ça a été plus de 30 000 partisans qui étaient là en même temps. Et ça devrait être sensiblement les mêmes chiffres pour nous. J'imagine qu'on va recevoir les chiffres au courant à la fin de la saison. Mais bien évidemment, que ce soit dans le stade ou à l'extérieur, on sent que les gens veulent quand même suivre l'équipe des Aigles de Trois-Rivières. Donc, de ce côté-là, j'ai pas vraiment peur pour ce qui est des partisans. Pour la survie du club, par exemple, c'est sûr que cette année, c'est une année qui a été un petit peu plus difficile. Absolument. L'année prochaine, on ne peut que faire mieux. Hein? Oui, et voilà, ça sera comme on le disait, une année zéro et on repartira de plus belle. Surtout que T.J. Stanton a été signé pour un contrat de quand même, c'est quoi, 5 ans? 3 ans? Je ne sais pas si c'est 5 ans, hein? 5 ans. En tout cas, c'est un long moment, assez pour que ça vaille la peine de savoir qui va être l'année prochaine. Tout à fait. Je disais tout à l'heure aussi que la session de plusieurs athlètes universitaires avait débuté. Entre autres, je parle beaucoup des Patriotes UQTR hockey, parce que c'est un petit peu ce qui met l'université sur la map plusieurs fois. Et d'ailleurs, en fin de semaine, ils ont déjà commencé à faire quelques exploits assez remarquable. On se souvient l'année dernière, c'est eux qui avaient terminé la Coupe Queens comme étant les champions en titre. Donc, on reprend ce titre-là cette année. On est défendant du titre de champion de la Coupe Queens pour 2016-2017. Donc, bien évidemment, Marc-Étienne Hubert a quand même des bottines à chausser. Il veut que ça reste comme l'année dernière. Mais les préparations vont très bien. On s'est envolé du côté de la France mardi pour la Coupe, mardi dernier, là, pas aujourd'hui, là, mais mardi passé, pour la prévision de la Coupe Napoléon qui se disputait du 26 au 28 août. Donc, de ce côté-là, on avait plusieurs équipes. Les gothiques d'Amiens, les... Je suis désolée de dire ça comme ça. Les hipsters de je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Les Pinters de Nottingham, les Huskies de Castle et, bien évidemment, les Patriotes de l'UQTR. ce qui sonne moins bizarre dans tout ça. Ben oui, mais c'est en français. Mais... Les autres doivent trouver ça bizarre. Patriots de Trois-Rivières. Sûrement, sûrement. Ouais. On va avoir le droit à un affrontement avec les Dragons de Rouen également, de la Ligue de première division française. Donc ça, c'est vraiment le camp de préparation des athlètes au hockey ici à l'université. Et sachez que la Coupe Napoléon a été remportée par les Patriotes. Si je me souviens bien, c'est hier soir par la marque de 7-1. Et on a gagné d'autres matchs comme ça, 5-1, 6-1. Donc, on a vraiment tous gagné nos matchs. On met la main sur la Coupe Napoléon. J'ai comme l'impression que ça donne un bon chemin pour les gars quand ils vont revenir ici. C'est une belle préparation à la saison 2016-2017. Et à leur retour au pays, les Patriotes vont affronter d'abord les Redmans de McGill, bien leur, évidemment. Méchants ennemis de toujours. Hey, les méchants rouges. Oui. Donc, ça va être le 21 septembre. Ça va être dans un match pré-saison. Et tout ça va être avant de se rendre aux États-Unis pour affronter deux formations de la NCAA, donc une formation américaine. Et ça va être les 1er et 2 octobre que les gars vont s'amasser du côté des États-Unis. Mais encore, on parle de match préparatoire. Donc, si tout ça se passe quand même bien, on voit qu'on peut avoir une très belle saison du côté des Patriotes hockey. Et on a aussi des athlètes dont on parle peut-être un petit peu moins sur les réseaux sociaux des Patriotes de l'UQTR. On le sait, les Patriotes hockey nous donnent beaucoup, beaucoup d'exposure lorsqu'on arrive à parler de l'université, mais il y a aussi d'autres sports, sachez-le. Alors, si vous êtes du genre à vous intéresser au cross-country, c'est ce soir que le camp d'entraînement de la formation va commencer. Ça se déroule du 30 août au 9 septembre, sachez-le, si vous voulez tout simplement participer. Donc, si vous souhaitez intégrer la formation, les tests vont avoir lieu ce soir à 18h30 sur la piste d'athlétisme de l'école secondaire des Pionniers. Donc, c'est vraiment pas très loin d'ici pour ceux qui sont autour de l'université, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous avez, si vous voulez avoir plus d'informations, bien évidemment, allez suivre la page des Patriotes de l'UQTR. C'est là que vous faites avoir le plus d'informations possibles. Il y a aussi la formation de golf, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'Université du Québec à Trois-Rivières a une partie golf. Donc, on a une équipe Pats Golf. Ils sont combien là-dedans, c'est-tu? Présentement, sur la photo, ils sont 7. OK, quand même. Ils sont 8. Bon. 8 gars. La formation est pilotée par Pascal Garneau, a lancé officiellement sa saison aujourd'hui. C'est ce matin même que ça s'est fait. Donc, ça se passait, c'est un petit tournoi de golf du côté de Lévis aujourd'hui et demain. Et bien évidemment, on va suivre ça de très près parce que c'est certains de nos athlètes et ils représentent l'université. Ben oui, voilà. Il faut en être fier. Mais oui, il faut en être fier. Il faut surtout peut-être même se pencher à avoir d'autres sports, ouais. À aller regarder d'autres sports que ceux qu'on connaît mais où généralement. Mais où est-ce qu'ils jouent le golf? On sait de ça? Mais probablement... Non? Moi, je le sais pas. Mais on sait, tu mettons, les gens le savent. Oui, exact. Puis, on voit aussi dans la formation de golf certains des joueurs qui font partie de d'autres formations des Patriotes de l'UQTR. Donc, entre autres, je parle... j'essaie de retrouver son nom. C'est... Carl Gauvin-Gélina. Et si je ne m'abuse, il y en a un autre qui jouait pour les Patriotes l'année dernière, mais qui a terminé sa saison avec les Patriotes hockey, qui est maintenant dans la formation de golf. Alors, de ce côté-là, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à voir, que nos athlètes ne vont pas nécessairement partir, qu'ils vont rester, mais qu'ils vont tout simplement faire un autre sport. Mm-hmm. Sachez aussi que il y a des essais de cheerleading. Mais oui, oui parce qu'on cool. a des cheerleaders aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, les essais de cheerleading pour la saison 2016-2017, ça commence le 12 septembre. C'est pas très, très compliqué. Si vous voulez savoir comment est-ce que ça se passe, eh bien, c'est au gymnase du CAPS de l'UQTR. La présence des athlètes aux deux journées est vraiment obligatoire. Donc, si vous voulez faire tous les essais, vous devez être là les deux jours. Ça commence à 19h15, mais pour tout ça, vous pourrez aller voir sur le site des Patriotes de l'UQTR. Encore une fois, toutes les informations sont là. Et la saison va débuter officiellement le 19 septembre et va se terminer au début du mois d'avril, donc à la dernière compétition. La saison, ça comporte 5 compétitions auxquelles tous les athlètes doivent être présents. Le 3 décembre à Montréal, le 28 janvier à Québec, le 25 février ici à Trois-Rivières et le 18 mars à Montréal. Et il y a bien évidemment une compétition à l'extérieur du Québec qui est envisagée. Il y a une discussion d'équipe qui va déterminer quelle compétition ça va être. Mais tous les athlètes qui veulent être membres de l'équipe doivent s'inscrire pour la saison entière. Donc, automne et hiver, ça, c'est quelque chose qui est vraiment prérequis. Mais pour ce qui est des prérequis, il n'y en a aucun. Donc, si vous voulez vous-même essayer d'aller faire les essais, sachez que vous ne devez pas avoir fait 5 ans de gymnastique au secondaire ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun prérequis pour faire partie de l'équipe des Patriotes. Les athlètes vont être évalués selon leur gymnastique, sur leur technique de saut, puis tout ça, sur la danse aussi, et sur leurs conditions physiques. Donc, si vous pensez que vous pouvez faire partie d'une équipe et que vous voulez tout simplement vous essayer, bien, sachez-le, vous le pouvez. Ceux qui se présentent en tant que voltige vont également être évalués sur la position et la flexibilité. Donc, en arrivant là-bas, vous allez probablement avoir un formulaire à remplir. Et puis, ceux qui n'ont pas d'expérience en cheerleading sont quand même les bienvenus. Ben oui. Voilà. En passant, j'ai vérifié pour le golf sur leur site web, il n'y a pas d'adresse. Oui. Donc, je ne sais pas s'ils jouent, peut-être pas en public. Ou c'est peut-être tout simplement des tournois qui sont ça, interuniversitaires, donc on peut pas nécessairement aller voir ces tournois-là. Mmh. J'ai vu qu'ils ont participé à des championnats. Ouais, c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi la formation de soccer des Patriotes de l'UQTR qui ont commencé eux aussi leur camp d'entraînement. Ça a commencé il y a 3 semaines déjà. On a eu le droit à un camp fermé du côté d'Ottawa. Donc, ça a été 3 jours vraiment où on n'a pas nécessairement touché au ballon ou qu'on n'a pas nécessairement fait de match préparatoire. Mais là, on y a vraiment été cardio, on y a été conditions physiques aussi. Il y avait des nouveaux venus qui étaient là. Donc, c'était vraiment le temps de juger nos joueurs, de juger notre prochaine équipe. Et on se souvient, l'année passée, les Patriotes soccer ont quand même très, très, très bien fait du côté des gars, du côté des filles aussi. Ça l'a peut-être un petit peu moins bien été du côté des filles, mais la formation masculine s'était très, très bien démarquée l'année dernière sur le plan universitaire. Alors, de ce côté-là, ça va être une équipe à surveiller parce qu'on a plusieurs joueurs. Je parlais avec un des joueurs qui est Kevin Santizo un petit peu plus tôt aujourd'hui et lui-même me disait qu'ils avaient eu des matchs du côté d'Ottawa durant, je pense que c'est la semaine dernière, 3 matchs exactement préparatoires et on a eu 3 victoires. Donc, 0 défaite en ce moment. Un petit peu comme l'équipe de formation de hockey. On n'a pas de défaite. Ça donne quand même un bon début de saison de ce côté-là. C'est motivant pour eux. Oui, tout à fait. Très, très motivant. On a des nouveaux joueurs. Tout le monde est en très bonne condition physique. Ça bouge beaucoup. Et le premier match de la saison, parce que on sait que du côté soccer, on peut pas nécessairement jouer quand il y a de la neige à l'extérieur. Alors, de ce côté-là, le premier match de la saison des Patriotes de l'UQTR est demain soir au Séminaire Saint-Joseph contre le Rouge et Or de Laval. Et si je me souviens bien, c'est à 18h30 pour les filles et par la suite, c'est les gars qui embarquent. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, faites un tour sur la page Facebook des Patriotes de l'UQTR. Vous allez avoir toutes les informations. Ou encore, je mettrai sur la page Facebook d'Assemblage requis. Je serai la voix du match. J'ai demandé si tu commençais directement demain à animer ça. Oui, exactement. Ça commence vite? Oui, ça commence. Je l'ai su la semaine passée, puis je m'en suis rappelé tout à l'heure au téléphone en discutant avec justement Kevin. L'impro commence le 12 septembre, j'en mets ça à temps. Oui, c'est ça. Mais du côté du soccer, on aime ça jouer dehors quand on a quand même du beau temps encore. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment plaisant. Puis, ça va nous donner aussi la possibilité de pouvoir jouer quand même à une certaine clarté, ce qui est tout le temps très plaisant. Une autre des équipes locales qu'on aime quand même peut-être suivre, c'est le Blizzard. La dernière position, c'est non, ça? Non, pas la dernière position, mais c'est pas universitaire. Alors, de ce côté-là, c'est un petit peu plus différent, mais c'est l'équipe de hockey du Blizzard de Trois-Rivières. Oui, le Febreze. Oui, exactement, le Febreze. De Trois-Rivières. Oui. On a fait plusieurs ententes sur plusieurs joueurs durant la saison morte, comme on appelle. Et là, on semble avoir vraiment une équipe solide pour cette année. Ça devrait commencer les matchs préparatoires du côté du 3 septembre dès 20h ici au Colisée de Trois-Rivières. Si jamais vous voulez aller faire un tour sur leur site internet, c'est très très simple, trois-rivières.lnah.com. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est le LNAH, c'est la Ligue nord-américaine d'hockey. Donc on se promène un petit peu partout au Québec et du côté d'Ottawa aussi, je pense qu'on y va. Mais tout ça pour dire qu'on semble avoir une équipe solide cette année. L'année dernière aussi, on a eu une équipe assez solide. C'est juste que c'était un petit peu plus difficile. Peut-être l'année du Blizzard et l'année des Aigles seraient comparables l'une à l'autre en 2015-2016. 2016 à oublier. Et voilà. Alors de ce côté-là, on devrait voir des joueurs qui étaient là l'année dernière, qui performaient super bien. Je pense entre autres à Alex Comtois, Maxime Boisclair, Jean-Philippe Caron. On parle aussi de Marc-Antoine Lacharité et il y a d'autres joueurs qui vont se joindre à ça au cours de la saison. Alors, pour les matchs préparatoires, je le répète, ça commence le vendredi 23 septembre, 20h, du côté du Colisée de Trois-Rivières. Yeah! Voilà. C'est tout. On parle de sport, mais... Il y en a beaucoup des affaires en sport. Il y a plusieurs équipes. Mathieu, on va-tu parler de sport, mettons? D'après moi, on va parler de sport à l'automne, à Assemblage requis. Peut-être avec toi plus qu'avec moi. Peut-être. Je t'ai déjà trouvé un titre. Je sais que t'es mauvaise pour ça, non? Tu veux pas me le dire. Hey, t'as jamais réussi à trouver de titre pour ta nièce Golan Chetania, ce qui évidemment, ça avait pas de nom. Mais j'ai peur que tu fasses des mauvais jeux de mots. Ça va être un jeu de mots, mais un très très bon. Je pense que c'est un de mes meilleurs jeux de mots. Okay. J'ai cherché sur Google voir si quelqu'un l'avait déjà fait avant, j'ai pas trouvé de référent. OK. Fait que je pense que j'ai quelque chose en poche, là. D'accord. J'ai hâte. Est-ce que tu veux l'annoncer là? Ben non. OK. Je veux qu'on attende à la faire officiellement, ta chronique. OK. Ça, c'était encore Tania is gonna entertain. Oui, ça, c'est encore Tania is gonna entertain. Est-ce que tu vas continuer comme 3 jours semaine, Tania, puis une journée sport? Probablement. On va voir comment les équipes aussi sportives de l'UQTR vont performer. Si on fait peut-être un petit 10 à 15 minutes chaque matin, on va parler de ce qui s'est passé la veille ou quoi que ce soit. Il nous reste quelques discussions à avoir là-dessus, quelques réunions. On a plus que ça à faire. Et voilà. Mais oui, on devrait parler de sport. Parce que c'est quelque chose qui a comme peut-être un petit peu manqué l'année dernière. Oui, je sais qu'on recevait plusieurs messages comme quoi il se passe quoi avec nos équipes. C'est difficile parce qu'on est juste deux dans l'équipe. Hein, oui, voilà. Fait qu'on peut pas tout faire si on n'a pas les connaissances pour, mais tu as les connaissances pour. Donc, let's go for it. Je vais espérer. Je vais travailler fort pour vous. Génial. Cet automne, assemblage requis. Tout l'horaire, heure, date est à confirmer. Donc, on ne vous en parle pas pour l'instant. Sachez qu'il y a quelque chose qui va avoir lieu dans cette case horaire-ci la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Ça va probablement être encore nous. On va voir. Oui, c'est pas mal nous autres. Bref. Merci Tania pour ta chronique. Ben ça fait plaisir. On se quitte avec une pièce de Blue Pills. Je sais pas pourquoi t'as eu envie de faire jouer cette pièce là. Je sais pas si parce c'est que un manque de Lady in Gold. Ah, parce que petite pilule bleue ça fait louche un peu avec ta. Non, j'y allais pas vraiment avec le nom du band. J'y allais vraiment plus pour le Lady in Gold parce que peu importe ce qui se passe du côté sportif, n'oubliez pas que les filles sont aussi bonnes que les hommes. La fille en or. Michel Louvain, c'est ça, la fille en or? Ah, c'est Simon Bell. Biles. Bills. Simone Biles. Simone Biles. Lady dressed in gold. She is young, she is old. She's the keeper of the soul. She's called death. Takes you in her arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother. She is death. She is knocking at your door. Don't have to run no more. This day I knew was coming. Wasted all my years with all of my fears. Let it mean nothing. Lady dressed in gold. She is young, she is old. She's the keeper. Par Blues Pills à Assemblage Rookie. C'est le moment de passer à une autre pause et après ça, ça va être la dernière heure de l'émission et ça, ben, ça veut dire qu'on va boire quelque chose. Assemblage requis, restez là. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Toujours à son âge requis pour la semaine du 29 août 2016. Elle s'appelle Tania Baudin. Et lui s'appelle Mathieu Plante. Oui, oui, oui. On est dans les derniers préparatifs avant de pouvoir commencer la chronique culinaire. Une grosse pointe à l'adresse. On va préparer nos articles, nos trucs à l'effigie de C'est fou. Là. Ben oui, tout à fait. Évidemment, parce qu'on a le budget pour un nouveau bouteille, C'est fou. C'est comme ça que ça, ça fonctionne. C'est sûr, sûr, sûr, sûr. Donc, on fait ça. Et puis, on revient juste après. Mais pour l'instant, une pièce musicale du palmarès anglophone. Elle est par Heaven For Real. Voici Kill Your Memory. Sur C'est fou. Picked up the paper glass, griffles you drink in half. After you clean that, you're back trapped in the ruse. You've got a patient talking tone, are you sizing up the room? This Kyle, he was your best friend, you knew he'd be here again. Hello high school lover flame, bad news, there's nothing there. Here's an ancient photograph, you signed it when you didn't care. All of those pieces, they might impersonate me. I know you're different, maybe better than the mystery. Oh, I've seen it before, and I see it all. I see it all, the time and every day and each night. There's so much you change and grow. Popping out from behind your mind. Where I wish I was staying. Not there to mention. No, I was leaving on my way out. And as they say now, I will phone you later. C'est Heaven For Real avec Kill Your Memory, assemblage requis, toujours avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Maintenant, c'est le moment de la dernière heure de l'émission. Il nous reste environ une 55 minutes. Et ça, c'est juste assez de temps pour goûter à quelque chose. Ouh. Pour que ça vaille la peine. Voici une grosse pointe d'adresse. Yeah.

Au pire, j'avais un petit sac pour faire mes besoins. Voyons. Hein? Tu voulais me parler de whisky? Oui, mais merci de me le rappeler. Je vais parler de whisky parce que j'ai vu une publicité sur Internet, évidemment, parce que qui regarde la télé de nos jours? Toi. Oui, effectivement. publicité de la SAQ. Oui. Par rapport aux découvertes d'alcool fin. L'alcool fort et fin. Ils sont partis sur un kick à vouloir nous vendre le whisky, le qu'est-ce qu'il y a d'autre, le cognac. Oui. Les trucs comme ça. Donc, ils ont parti une campagne publicitaire pour ça. Et celle que j'ai vue, c'est une très, très longue pub, là, probablement une minute environ. OK. Et puis, c'était un gars assis sur le divan. Et là, sa blonde ou peu importe, ami passe en arrière. Elle lui demande, est-ce que tu veux un petit peu de whisky? Le gars dit, non, plus jamais le whisky. Puis là, elle dit, c'est peut-être parce que t'avais pas goûté au bon whisky, genre. Et puis là, le gars, ben, tu sais, on voit l'alcool se verser dans le verre comme si c'était une grosse vague. Et puis le gars est comme, oh, ouais, genre, comme super intrigué. Et puis là, ben, en fin de compte, il l'essaye. Puis c'est comme ça, a dit, bon, redécouvrez le whisky, les alcools fins chez la SAQ. Ça me donne envie de l'essayer, mais je pense. Il me semble que c'est fort, ces affaires-là. Oui, ben, c'est fort, là. Toi, t'as pas besoin d'être convaincu, t'en buvais déjà. Du whisky? Ouais. Ben c'est quelque chose. Je dis pas que je prends un whisky bien bien souvent, mais dans des occasions spéciales, ça m'est déjà arrivé de boire, mettons, un scotch ou un whisky avec mon père. Ça, c'est quelque chose que. Avec un cigare. Que je déteste pas. C'est déjà arrivé, je suis désolée. Hey, on va écouter la pub. Je suis un homme manqué. Vous allez voir, je l'ai bien résumé quand même. Hein. La pub, là, vous allez voir ça, attention. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit whisky? Qu'est-ce que tu dirais depuis jamais je vais boire ça? Ben là, c'était juste pas ta sorte l'autre fois. Lui, il y a des notes fruitées. T'aimes ça, les fruits? Ouais, mais non. Non, mais non. Là, le verse, là, c'est là que les vagues, là. Donne-moi au moins ma chance. Hey, c'est sûr, 35 secondes, moi, j'étais sûr que c'était 1 minute et quart, là. C'est tellement long. Avec les bébés, tout est long, hein. Leurs cheveux, entre autres. Ah, ouais, non? Pourquoi tu l'as vu? Donnez une chance au spiritueux fin en découvrant votre pastille de goût. Votre pastille de goût. C'est pas une mauvaise pub, là, quand même, mais ça m'a intrigué. Sur le site de la SAQ, sans leur faire de publicité à outrance, ils en ont pas vraiment besoin, mais il y a un kit de découverte de spiritueux fins. Vous pouvez acheter une petite valise, une petite caisse. Je sais pas si elle est encore disponible, j'ai pas regardé récemment, mais vous pouvez vous procurer. C'est comme des petites bouteilles d'échantillons comme il y a à la caisse, à la SAQ habituellement. Même principe, mais dans une petite boîte. Super cute, ça donne envie, là, c'était pas choc que ça. Allez voir, ça existe encore. Cherchez SAQ découverte spiritueux fin. J'ai trouvé la page en 2-3 secondes la dernière fois que j'ai essayé. Ensuite, ben, premièrement, verdict pour le produit qu'on vient de goûter, la bière. En haut, là. Ah, en vraiment. Haut. Et en haut puissant, là. Même si on n'a pas de qualificatif de plus qu'en haut sur le côté ou en bas, là, on met le pouce en l'air tous les deux, c'est gagné. C'est vraiment plus bon que la semaine dernière. Vraiment. Donc, c'est la bière Root Beer Baron Artisanal. Maintenant, pour les nouvelles de fast food, le marché noir est terminé. Vous pouvez maintenant acheter la sauce chez Starbucks de citrouille épicée. Oh. C'est la grosse mode tous les automnes, évidemment. Ça va recommencer. Pumpkin spice latte, c'est partout. Et bien maintenant, vous n'avez plus besoin de l'acheter sur le marché noir. Vous pouvez vous procurer la pompe en tant que telle de sirop. C'est sur le magasin en ligne de Starbucks. En plus de d'autres articles, évidemment, à l'effigie de leur citrouille épicée. Allez voir ça si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. On n'a pas encore annoncé la date de sortie pour tout ça. Ensuite, c'est un bloc thématique sur la pumpkin spice. Sur la citrouille épicée. On parle maintenant de Pumpkin Spice Cups par Palmer, un peu comme les cups de Reese avec du beurre d'arachide, sauf qu'à la place, c'est de la citrouille épicée dans un cup chocolaté, dans un moule chocolaté. C'est super cool. Ça n'existe pas ici, évidemment, mais la compagnie s'appelle Palmer. Ça vous intéresse de le chercher sur eBay ou peu importe. Ça a l'air beau. Ça ressemble vraiment à un Reese, mais en plus épais. Et un petit peu plus petit de circonférence, d'après moi, en tout cas, selon l'image. Il n'y a pas d'échelle à côté pour montrer ce que c'est, mais bon. Toujours en citrouille épicée, c'est des Cheerios. Je crois qu'on avait glissé un mot la semaine passée. Il y a une critique qui vient de sortir. C'est sur assemblagerequis.com. Pumpkin Spice Cheerios. Et puis, en résultat, qu'est-ce que ça dit aussi? Un petit peu. Ça ne goûte pas la cannelle, même s'il y a supposément de la cannelle dedans. Enfin, oui, il y a de la cannelle. Et puis, attends un petit peu. Saveur sérieuse de citrouille épicée dans chacune de ces. Oui, absolument. L'addition de vraies citrouilles dans les ingrédients fait toute une différence lorsqu'on ajoute du lait ou la sublime. L'essence sublime de dessert à la citrouille prend vie, dit la critique. Donc, 9 sur 10 selon The Impulsive Bites. Vous vous adonnez à trouver ça. Cheerios Pumpkin Spice. Dans le même domaine, Lindt, tu connais les chocolats Lindt, oui, en petits bonbons torsables. T'avais comme une thématique, hein? Ben, j'ai fait exprès, regarde. Okay. Des fois, je me force, pas toujours. Mais des fois, je me force. Donc, Lindt joint la mode cette année de la citrouille épicée avec les Lindor Pumpkin Spice Truffles. Ce sont des truffles, bien sûr. Donc, édition limitée, chocolat au lait avec un intérieur à la citrouille épicée. Un intérieur doux, mou et fondant. Voilà. Les nouveaux chocolats sont donc les premiers produits à la saveur de citrouille pour la compagnie. Vous pouvez les trouver en sac de 5,1 once et 8,5 once dans les magasins américains. J'imagine que ça s'en vient ailleurs si ce n'est pas déjà. 4,39 américains jusqu'à 7 $ respectivement. On peut aussi les trouver en magasin en ligne pardon, sur lintusa.com. Dans le même domaine, les céréales Life. Édition limitée de Quaker Pumpkin Spice Life Cereal. Donc, il va rester encore quoi comme marque de céréales à faire des citrouilles épicées, on ne sait pas. Mais Life, c'est comme les petits carrés là, quadrillés là, oui. Qui ne goûtent rien. Enfin, c'est pas super bon. Hein. Pas super bon, mais à la citrouille, ça devrait être bon. On était rendu à Nutri-Grain, tiens, aussi oui. aux citrouilles épicées. Limited Batch, la mode a commencé avec Ben & Jerry's, de dire des Limited Batch à la place de Limited Edition. Donc, Nutri-Grain de Kellogg's suit la mode de batch limité. Et ça a l'air bon. C'est comme c'est un petit bâton de molle aux fruits. Là. Ouais. Avec une sauce fabriquée de vrai, avec de la vraie citrouille. Une gelée. Je tiens à dire que ce n'est point une sauce, c'est vraiment une gelée. Tu as tout à fait raison, mais ça dit « fait de vraies citrouilles et de grains entiers ». Ah. Voilà. Soft Bake Breakfast Bars, barre déjeuner cuite au four. McDonald's pourrait être le premier à sortir son latte à la citrouille épicée cette année. Hein? Vous n'avez pas envie d'attendre que Starbucks les amène ou de boire votre lait de céréales Cheerios à la citrouille épicée. Le mec café Pumpkin Spice Latte a été présenté pour la première fois en 2013. Il avait essayé sur popsugar.com il y a 3 ans. Il avait trouvé ça un petit peu trop sucré. Mais que ça avait l'avantage d'être moins cher que les autres chaînes. Et que le sucré pourrait être un plus pour certaines personnes qui aiment ça sucré. C'est vrai. Même si McDonald's a ramené le latte cette année, c'est seulement dans des restaurants... l'année passée, c'était seulement dans des restaurants sélectionnés. Moins de 50% des restaurants McDonald's partout dans le pays. Cette fois-ci, ça va être disponible dans tous les restaurants à partir du 31 août. Donc, demain pour les auditeurs en direct du mardi. Je pense qu'après autant de temps d'attente pour 50% du pays... C'est pas mal de fond. Ouais, c'est ça. Nous, à Trois-Rivières, on en avait. J'ai jamais osé y goûter. Tout le monde devant moi. Je me souviens pas si j'en ai déjà pris un. Vous essayer. Pumpkin Spice Latte. Je pense que j'avais pris leur chai latte glacé. Ouais. Très bon. Très bon, oui. Très bon. Est-ce qu'on continue dans les citrouilles épicées? Tu peux bien y aller. Starbucks va rendre ça encore plus pratique avec les frappuccinos à saveur de citrouilles épicées, mais en bouteille. Rien de moins. Rien de moins, bien sûr. Il fallait s'y attendre. L'an dernier, ils avaient sorti leur Pumpkin Spice Frappuccinos seulement pour les membres de Costco, vendus en caisse, évidemment, c'est Costco. Mais cet automne, vous allez pouvoir retrouver des bouteilles individuelles dans les épiceries près de chez vous. Starbucks a dit au site popsugar.com qu'on pouvait s'attendre à voir ça au début du mois de septembre pour moins de 3 $ par bouteille. La compagnie va aussi ressortir les paquets Via, comme on a déjà goûté en nom, les petits Via qui sont pareils comme les cafés Starbucks, mm-hmm. mais en petit tuyau d'aluminium, quelque chose comme ça. Il y a aussi les espressos glacés. Et nouveau cette année, les K-Cup de Keurig à saveur de citrouille épicée. On sait pas encore quand ça va revenir chez Starbucks. En tout cas, en date des articles que j'ai, c'est pas encore dit. L'année passée, c'était le 8 septembre. Mais étant donné que McDonald's et la chaîne Pete's aux États-Unis le sort le 31 août, peut-être que Starbucks va aussi sortir ça, soit le 31 août, soit avant. Je crois qu'on a terminé sur la citrouille épicée. Non! Non! Ben non! Il en reste un sur le prochain, c'est un spotted, c'est les toasters strudel à citrouille épicée. C'est le dernier en bas de la page. Avec évidemment un glaçage à la crème normale, mais l'intérieur est à la citrouille. Édition limitée, encore une fois. Ils sont de retour. Évidemment, je préfère tout le temps les toasters strudel aux Pop-Tarts. J'achète surtout des toasters strudel. J'en ai mangé aux petits fruits ce matin. Génial, c'est mes préf petits fruits. C'est les meilleurs. Sachez-le. Colin, il en reste encore. Je pensais que j'allais finir bientôt là-dessus, mais non. Un autre pumpkin spice latte, cette fois-ci, c'est chez Pete's Coffee, on vient d'en parler aux États-Unis, qui ajoute à son menu automnal un nouveau breuvage qui pourrait devenir très populaire, disponible dans tous les restaurants à partir du 31 août. Pete's amène son Dark Chocolate Pumpkin Mocha, donc un mocha à la citrouille au chocolat noir, qui a été décrit par la franchise comme une combinaison riche de citrouille, d'épices automnales, d'espresso et de chocolat noir, parce que le chocolat améliore tout, évidemment. Addition décadente qui va joindre donc des autres produits à la citrouille, comme le pumpkin latte, le pumpkin jafaiva et le pumpkin chai. Tout ça chez Pete's aux États-Unis. Devrait être bon. Absolument. Ah, c'est pas fini encore. Une bière d'automne à saveur de citrouille épicée maintenant. En 2015, les organisations de nouvelles, donc les compagnies, les journaux, les médias, peu importe, ont averti que les nourritures à la citrouille... que les aliments à la citrouille allaient être difficiles à trouver à cause d'un manque de citrouille, à cause d'un été pluvieux. Okay. Ah ouais. Donc, le manque n'a pas vraiment affecté les tartes de l'Action de grâce aux États-Unis autant qu'on avait prévu, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas dérangé les expériences culinaires des gens l'année passée. Et bien maintenant, la citrouille épicée s'en vient dans vos bières, étant donné que la citrouille, j'imagine, est de retour, j'imagine que c'est pour ça qu'il en parle. Selon le magazine de bière Draft Magazine, on a de la difficulté à trouver assez de citrouille pour les bières thématiques de l'automne parce qu'on se remet toujours de ce qui s'est passé l'an dernier. Mais un microbrasseur interviewé par Draft a déclaré... OK, il n'y a pas de mais. Un a déclaré que c'était la Pumpkageddon, l'Armageddon de la citrouille. Oh boy! Quand tu essaies de faire des jeux de mots puis ça marche pas. Là. Ouais. Pumpkageddon. Mais bon, blablabla, on dit qu'il faut qu'ils cherchent plus longtemps de citrouille. Peut-être que ça veut juste dire que ça va coûter plus cher. Mais quand même, on a réussi à faire une bière. Je pense que l'article dit qu'il va y avoir un manque de bière. Ah, c'est ça. Ah, l'article n'est possible. Pas sur la bière, il est sur le manque de bière à la citrouille. Voilà. Et dans le fond, l'article dit pas grand-chose. Ça serait bon, ça. Je sais pas si ça goûte pas trop. Pourquoi pas? Hein? Ouais. Et ça dit aussi que les options, les produits avec citrouille épicée, dont les produits qui ne sont pas alimentaires, donc les non-food products, normalement ne contiennent même pas de citrouille. Donc vos lattés à saveur de poudre de citrouille ou de sirop de citrouille pourraient continuer même s'il y a un manque de citrouille flagrant cette année. Ah ouais. Même si tantôt il y a plusieurs produits qui étaient écrits avec de la vraie citrouille, d'autres, eux, non. Quand c'est pas précisé, il y a probablement moins de citrouille. Ouais. Bon, évidemment, la nouvelle dont tout le monde a parlé cette semaine, vous avez peut-être même entendu parler de ça, j'imagine que Marina Orsini en a parlé, non, elle est plus là pour parler de ces affaires-là, mais que PFK a sorti un écran solaire à l'odeur de poulet frit chez PFK. Hein? OK. Donc, PFK a sorti son écran solaire extra crispy qui est supposé sortir le poulet frit. Il le donnait gratuitement et évidemment, ça n'a pas été trop long qu'ils en ont manqué de stock. Ils ont réussi à toutes les vendre. C'est de la lotion SPF, FPS 30, 30, oui, promotion faite avec leur plus récent colonel. Ils changent de colonel à chaque quelques mois. L'acteur change. C'est comme un gag. T'as le colonel extra croustillant, t'as le colonel ci, le colonel ça. Donc là, c'est George Hamilton, un gars qui est reconnu pour son teint basané, genre de faux bronzage. Donc c'est lui qui est le porte-parole extra croustillant de PFK. Ils disent, évidemment, ils n'ont pas le choix de préciser que la lotion n'est pas mangeable. Hein? L'arôme sent pas nécessairement le poulet frit, ça sent plus, nous dit-on, l'urine sur une couche. Ew. Donc, les extra crispy sunscreen, allez voir la vidéo, mais il n'y en a plus de toute façon. Ensuite, Pikachu! Ben Pikachu. Oui, encore! Oui, on y revient à Pokémon et Pokémon Go. Une chaîne australienne de restaurants d'hamburgers fait maintenant des hamburgers avec une apparence Pikachu-esque ou Pokémon-esque. Hein? Donc, c'est une chaîne de restaurants australienne qui s'appelle Down and Out. Qui a développé ces trois Burger Pokémon édition limitée, Pikachu, Bulbasaur et Charmander, chacun avec ses ingrédients uniques. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire, là. Les ingrédients sont pas listés dans l'article, mais on peut voir que le Pikachu, son pain est plus jaune, et ses yeux, son nez et sa bouche sont dessinés. Ah, qu'il y a des frites dedans? Il y a des frites dans l'hamburger, il y a l'air d'avoir des cornichons, du ketchup, beaucoup de moutarde, fromage fondu, puis une galette de viande, des Doritos, on dirait, à la place des oreilles. D'après moi, c'est des Doritos. Ah, ouais. Pour le Bulbasaur, il y a son pain est vert. Sa tête a comme un brocoli. C'est un brocoli. C'est un brocoli dessus. À l'intérieur, je vois cornichon, fromage. Boulette. Salade. Oui. Et. Relish? En dessous. Peut-être relish, oui. Ça se peut. Et puis le dernier, le Charmander, son pain est un petit peu orangé-rouge. Seulement des yeux et une bouche, il n'y a pas rien sur sa tête. À l'intérieur, tu as fromage fondu. Je vois du bacon. Je pense de la salsa pour représenter le feu de Charmander. Ouais, peut-être. Et je pense des Doritos. Il y a l'air d'avoir des Doritos dedans. Un petit peu écrapouti par moment là, pour la photo. Elle se forçait à mettre une Doritos neuve. Mais bon, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va sur Instagram où quelqu'un a fait un spaghetti grilled cheese. C'est Hungry You, donc H-U-N-G-R-Y-H-U-G-H, qui lui partage pas vraiment une recette. Là, je pense que c'est vraiment plus une idée qu'il nous donne. Il a fait du spaghetti, qui évidemment, j'imagine, fait cuire à l'avance. Et il l'a mis entre deux tranches de pain avec du fromage blanc. Okay. Et donc, le spaghetti a moins contact avec le chaud. J'imagine qu'il vient pas croustillant. Peut-être qu'il devient croustillant, j'en ai aucune idée. Mais le fromage a le temps de fondre. Et vu que le spaghetti est entre les deux, j'imagine, est moins affecté par la chaleur. Et quand tu le défais, quand tu l'étires, le spaghetti vient s'étirer aussi. Ça a l'air super bon. Ça combine deux nourritures appréciées de part et d'autre du monde. spaghetti et grilled cheese. Grilled cheese au fromage blanc, c'est vraiment bon. Oui? Oui, j'aime ça. J'allais dire grilled cheese au chocolat blanc, un peu moins bon. Un peu moins bon. Quoique, un s'mores dans le poêle, pense-y un peu, là. Mais nous, on faisait ça en appartement. Ah oui, guimauve, chocolat... Ben, on le faisait pas directement dans la poêle, mais on le faisait directement sur le poêle. Le rond. Ouais, wow. On le faisait directement sur le rond. Rebelle, hein? Mais on était en appartement. Il est juste à attirer les pompiers. Hein, c'est ça, t'as tout compris. Ensuite, est-ce que t'as des fois de la difficulté à mettre tes sacs Ziploc dans le frigo parce que mon ça tient pas Dieu, debout? Mon Dieu, oui. Hey, ce problème-là du First World Problem, comme on l'appelle, va être remédié avec le Zip and Store. C'est comme un genre de rack à glissière, un peu comme dans un... Ça ressemble un petit peu à un garde-robe, mais à coulisses. Un peu comme un tiroir à coulisses mélangé avec un garde-robe. Donc, c'est fait pour que tu puisses attacher tes sacs Ziploc à des pinces qui viennent avec et c'est pendu sur un rail. Et donc, tu peux pousser tes sacs vers le fond du frigidaire. Et quand tu as besoin, mettons, ici, c'est du fromage pour les nachos, bon, tu tires sur le rail, tu enlèves le truc du rack, puis tu t'en sers, tu le remets à sa place, tu le refous dans le frigidaire et tu gaspilles beaucoup moins de place. Tu pourrais aussi mettre les affaires dans des plats. Ouais. Mais bon. Ça s'installe facilement, nous dit-on. C'est de la compagnie... C'est pas de la compagnie Ziploc. Non. Zip non, and Store. Non, je pense pas. Ben, c'est... je sais pas si c'est pas de la compagnie Ziploc. Le logo est similaire, mais sinon, il aurait marqué Ziploc. C'est Zip and Store, d'après moi, c'est comme une imitation. Ouais, peut-être. Il y a même une info pub de 4 minutes et demie que vous pouvez regarder. Ouais, que c'est pas Ziploc. Est-ce que c'est en noir et blanc, la publicité, au début, genre... est-ce que ça vous est déjà arrivé? Attends, on va écouter ça un peu. Oh, c'est pas en noir et blanc, c'est juste en sombre un peu. C'est tellement facile de voir ce qu'il y a dans votre réfrigérateur. Vous pouvez trouver ce que vous voulez instantanément. Il n'y a pas de nourriture gâchée, pas d'aliments jetés, pas de dégâts. Votre nourriture est facilement accessible. Il ne s'oublie jamais. Tout est exactement devant vous. Et ce qui est fun, c'est que tu peux glisser le sac. Mm-hmm. T'as pas besoin de dessnapper le truc, OK, dans le rack. C'est juste glisser sur le côté, puis ça sort. Tu peux prendre le sac comme ça. C'est vraiment cool. Bref, le petit témoignage du gars est bien intéressant, là, mais la fille défait son épicerie, et puis là, oh crime, le frigidaire est rempli de cossins, de sacs de Ziploc, de plats, et puis là, ben, finalement, elle les met dans des sacs, et ça fonctionne beaucoup mieux. Ben oui, évidemment. Ah, c'est beau. Innovation incroyable. Mais ça paraît que c'est pas une infopub qui joue à TV, parce que c'est pas très bien produit. Ensuite, un homme prend son bain dans un bain rempli de sauce piquante. Évidemment, qu'est-ce qui peut mal tourner avec ça? C'est un YouTuber, Simricander, qui se baigne dans l'équivalent de 1250 bouteilles de sauce piquante. Mais non, mais là... Et en plus, ajouter des chili peppers, donc des piments chili, juste pour s'amuser un petit peu. Il se submerge au complet dans le bain, et après ça, il perd la tête. On demande dans l'article si c'est de la vraie sauce piquante, mais avec les effets secondaires que ça a l'air de lui faire, les yeux qui piquent, l'irritation de la peau, ça a l'air pas mal crédible. Apparemment que si t'as de la sauce piquante dans ton nunus, ouais. Ton nunus, ça peut pas mal faire mal, pas mal fort. Ben c'est sûr. Donc l'excellente idée de ce gars-là, c'est pour YouTube. T'imagines juste laver le bain après. C'est vrai. Hein. Mais pour YouTube, tout est possible. Hein, puis j'imagine qu'il va y avoir des millions de views. Est-ce qu'on est rendu à plusieurs millions? À 4 113 039 vues, bien sûr. Pourquoi pas? Allez vous inscrire à sa chaîne pour l'encourager à faire d'autres niaiseries de même. Ben, man, c'est terrible. Ah, il a l'air vraiment furieux, là. Regardez ses boxers. On dirait que je suis pas certaine s'il a pas, genre, loué une salle, une chambre d'hôtel pour le faire. Ça se peut, hein? Écris une pauvre personne qui travaille là-bas après. On lui donne une serviette pour s'essuyer les yeux, mais ça va juste étendre le produit partout. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu t'es mis des boxers que ça va empêcher les affaires okay, de rentrer. Mais il mange les piments. Ah, c'est ridicule. Ça dure 5 minutes presque. Le gars finit par sortir du bain, mais même si tu sors du bain, même si tu te mets de l'eau dans la face, c'est déjà le trou est déjà fait. Là, en tout cas. Ça ment pas, on dirait qu'il enfle. Il aurait pu au moins se faire arroser par une moufette avant pour que ça vaille la peine, jus de tomate, mais c'est... Mais ça, c'est de la sauce. Je sais. Ah non, il va se mettre la tête en dessous. Il est dans la douche au bout, je suis rendu. Ah non, mais il bouge pas son nez, il est fou. Quelques heures plutôt horribles plus tard, et là, on le voit qu'il est propre. Il a l'air d'avoir encore mal, essoufflé complètement. Pauvre gars! Bon, peut-être t'as vraiment couru après, puis t'as eu quand même... Avec 4 113 000 views, j'imagine, sur YouTube, que si t'as activé les publicités, tu dois en avoir assez pour ton argent. Parce qu'en tant que tel, c'est ça le but des YouTubers. Oh mon Dieu, il est genre brûlé sur la peau, là! Ouais. Il a comme pogné un coup de soleil sous le ventre à cause de ça. Ridicule. Mais ouais, je suis sûr qu'il est devenu riche, ou en tout cas qu'il va le devenir, parce que c'est quand même assez récent. Ça a été ajouté le 3 août, ça a un mois, mais ça a le temps de faire le tour du monde. Vlog va sûrement en parler la semaine prochaine. Hein? Sûrement. Ensuite... Parlons d'un gars qui a fabriqué un manche de hache fabriqué de résine transparente et de petits oursons gummy bears. C'est un YouTuber, Peter Brown, sur la chaîne YouTube Shoptime, qui a créé donc un manche en gummy bear en résine. C'est fait étape par étape. Vous pouvez aller voir les photos sur imgur.com. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ben parce qu'il tentait. En fait, les gens dans les commentaires YouTube lui ont demandé de faire ça. Donc évidemment, il a exaucé leur souhait. C'est tout ce que c'est vraiment, c'est un manche de hache. Donc t'as la vraie hache au bout, puis un manche, puis le manche, ben dedans il y a des gummy bears. C'est le fun, hein? Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Lui, il est rendu à combien de views? Je peux voir si... Est-ce qu'il a travaillé un petit peu moins fort que le gars avec, avec la sauce? Il est rendu à seulement 375 000. Ah. Ouais. Moins fort que l'autre. Pas autant que l'autre. Moi, ça m'impressionne pas partout. Hey! On y va avec d'autres trucs vraiment cool. En fait, je pense que je vais me charger les prochains parce qu'il y avait quelque chose qui allait avec ça. Attention. Je pense qu'on était rendu ici. C'est des trucs qui vont ensemble. C'est bien de Walmart aux États-Unis. Donc, leur compagnie, leur marque de produits Great Value. Ils ont sorti des cheeseburgers au beignes. Ouais, non. Ouais. Non. C'est leur collection Late Night Cravings, donc fin de soirée. Donc, le Donut Cheeseburger, c'est du steak haché. Du bœuf steak, ensuite du fromage orange, du bacon au poivron, au piment fort, ouais. Et aux petites baies. C'est de la confiture au bacon, pardon, sur un beigne, un genre de gâteau qui ressemble à un beigne. Ah. C'est dur à traduire un peu, mais ça dit que c'est un produit congelé et qui est déjà cuit à l'avance. C'est emballé individuellement, il faut le passer au micro-ondes et puis ça donne un genre d'une collation de fin de soirée, là. Donut cheeseburger. Ils ont aussi fait le Double Decker Chicken and Bacon Sandwich, aussi pour les fins de soirée. C'est donc du bacon à saveur de fumée, du fromage orange, entre deux poitrines de poulet croustillantes, panées, avec à l'intérieur de la viande de coke levée. Ah ouais. C'est beaucoup de choses en même temps. Oui, vraiment. Ça a l'air excellent, je trouve. Toujours dans la collection Late Night Cravings, j'ai le Triple Decker Grilled Hams and Cheese. C'est donc du jambon forêt noire avec du fromage suisse pasteurisé. Avec c'est la même confiture au bacon et aux petits fruits, petites baies et piment fort sur un pain grillé. Donc, je te dirais que le deuxième ressemble à un coup double de chez PFK. OK. Je dirais. Et le troisième ressemble à un sandwich que tu ferais à la maison, mais un petit peu plus fucké, là. Ouais. Toujours un petit peu de sucré puis de salé, mais en fin de soirée, c'est ce que tu veux. Je pense qu'une fois que tu as bu de l'alcool, ça pourrait te tenter de manger ça, Tania. Ah, je suis pas sûr. Pas sûr, hein? Je suis vraiment pas sûr. Mathieu, j'ai une question pour toi parce qu'en fin de semaine, j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais goûté. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un mec gangbang? Est-ce que c'est... Et là, je vais gâcher ton punch et je le dis. Non, qu'est-ce que c'est un mec gangbang? Non, mais est-ce que tu sais-tu? C'est pas un mec poulet mélangé. C'est comme t'as le steak et le poulet. Pis c'est comme... Exactement, c'est un junior au poulet mélangé avec un mec double. Que tu les mâches ensemble. Tu les mâches ensemble. T'enlèves le pain du milieu. Clac. Ouais. Est-ce que tu trouves ça bon? T'as-tu déjà goûté à ça? J'ai pas goûté, mais j'ai envie d'en manger un. Je pense que dans moi, le McDonald's... Pas trippé. Tu l'as goûté? Ouais. Parce qu'au McDonald's, si tu leur demandes ça, en tant que tel... Tu peux maintenant customiser. Tu peux personnaliser sur le petit tableau, mais si tu le demandes à une serveuse, mettons, dans un restaurant qui n'a pas encore les machines, j'imagine qu'ils sont tous rendus avec les machines, mais... Probablement. Ils savent peut-être pas. Ce qu'ils disaient, c'était de commander un junior au poulet et commander un McDo. Oui, mais c'est ça que mes amis ont fait, en fait. Ils c'est deux coûts pas cher, là. C'est genre 1,39, 1,50. Exactement. Tu serais revenu comme à 5$ là, pour un McGangbang, mais... Sur le petit tableau électronique, ça va coûter plus cher que ça, je pense. Mais sur le petit tableau électronique, tu peux rajouter plus de bacon, plus de fromage, mettons, emmental. Tu sais, il y a plein de choses vraiment bonnes. Vraiment, vraiment bonne. Des champignons, des oignons grillés. Oh. Mais j'ai pas tant trippé. Il est supposé mouiller à soir, hein? Mes amis avaient l'air de vraiment tripper, là. Peut-être qu'il n'y aura pas de baseball, je vais pouvoir aller chez McDo. Non, il y a du baseball. Mais il va mouiller. Il y a du baseball, Mathieu. Mais il va mouiller. OK. C'est vrai qu'il faudrait voir la fin de la saison pour que les aigles s'écroulent complètement. Oh, oh, oh. Ouais. Et le dernier dans les produits Great Value Late Night Cravings, c'est les bouchées de cheeseburger, un peu comme ce qu'on appelle les sliders. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es envoyé de la bière dans l'œil, hein? Oui. Cool. Son verre a pas remis son couvert à son verre. Mais non. Donc, bouchée de cheeseburger, c'est du bœuf cuit assaisonné, du fromage cheddar et un tout petit peu de dill pickle, cornichon à la nette, enveloppé dans un pain, un genre de petit pain à sandwich, pas de croûte, genre, mais tu sais, juste de la croûte, les petits roulés. Comment ils appellent ça? Les petites bouchées. Non, les petits pains fourrés. Les petits pains fourrés. C'est le mot que je cherchais. Écoute, il y en a donc bien des produits dans cette ligne-là. Je sais, hein. Le prochain, c'est les Seasoned Pulled Pork Bites. Si, en tout cas, ce produit-là a un lien avec le nom de ta future collègue de sport. Ah oh non, j'ai peur. Donc, c'est du porc effiloché, assaisonné dans une sauce barbecue sucrée et fumée. Late Night Cravings ou Pulled Pork Bites? Sur des petits pains fourrés aussi, voilà. Le reste, je ça pense que... Ça ben oui, mais là. Et tiens, je voulais parler dans la même page, va plus bas, là, l'avant-dernier produit. Oui, les espèces de brutaux. Non, les Stewart's. Mm. Tu connais la liqueur Stewart's? C'est la cerise noire, t'as le voyons, comment ça s'appelle? La liqueur à l'orange, la liqueur à la lime sont tout le temps excellentes, les liqueurs Stewart's. Ils viennent là d'en sortir une au crème soda fabriquée avec du vrai sucre. Oh. C'est dans la lignée Stewart's Fountain Classics aux États-Unis, évidemment, ça va sûrement s'en venir ici plus tard. Est-ce que t'aimes le Velveeta? Moi, j'haïs ça pour mourir. Je trouve non. Vraiment pas ça bon. J'ai jamais vraiment mangé de Velveeta. C'est, je trouve, le fromage le plus pas fromagé, le plus pas intéressant pour moi. Mais bon, Velveeta sort des Cheesy Bites. Ah ouais? C'est des bouchées panées avec à l'intérieur du fromage Velveeta. C'est un peu comme du Cheese Whiz, mais moins bon encore. Ça goûte vraiment le plastique. Là. Il a deux versions. Donc, original, c'est des bouchées crémeuses avec du fromage Velveeta dans un enrobage croustillant. Et t'as salsa con queso. Salsa con queso. Salsa con queso. Ça, c'est une salsa au fromage, bien sûr. Donc, c'est des bouchées de salsa comme des tomates. Je vois pas la photo d'assez proche pour lire qu'est-ce que tu... Attends un petit peu. Je pense que je l'ai ici. Clique dessus. Ça veut pas aller plus gros. Fromage Velveeta mélangé avec de la salsa et un enrobage de tortilla croustillant, c'est la même chose. Ouais, c'est vraiment la même chose, juste avec des petits piments. Des petites tomates, je pense aussi. Tiens, t'as parlé tantôt d'un produit qu'on pouvait, entre guillemets, demander chez McDonald's, le McGangbang. Oui. Savais-tu qu'il y a une boisson chez Starbucks que tu peux commander, mais elle a tellement de caféine à l'intérieur qu'ils veulent pas te donner un grand format. Ah, pas vrai? Je te jure. Starbucks, évidemment, tout le temps des nouveaux produits. Ils viennent de présenter le Nitro Cold Brew. C'est 4$ pour un tall, c'est comme un dollar petit, ouais. C'est ça. Qui rivalise avec les versions de leurs compétiteurs locaux. Donc, il y a une grosse mode dans certaines villes. À San Francisco, entre autres, la troisième ville qui a sorti cette boisson qui est au... c'est une infusion à froid, à infusion par nitrogène, voilà. Donc, on a essayé de goûter à ça à côté d'un vrai café glacé Starbucks. Et leur boisson froide, cold brew, ça veut dire qu'elle a été... qu'elle a eu une infusion, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Pas torréfié à froid, mais il y a une différence entre faire un café chaud et le refroidir et faire un café à froid et qu'on laisse au réfrigérateur pendant une bonne période de temps. Maintenant, celui-là, il l'appelle le Narigno 70 Cold Brew. Bref, moi, j'adore les cafés glacés, c'est tout ce que j'achète à la chasse-galerie. Et bien maintenant, le Nitro Cold Brew à la nitrogène, l'article sur popsugar.com dit qu'il ne retournera pas à l'ancien modèle. Ah ouais? Il va donc continuer de boire que des Nitro Cold Brew. Ce qui le sépare, ce qui le différencie du café glacé, qui coûte seulement, lui, 3$ pour un tall. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? Le petit? Ils ont juste pris les noms normaux en français? Parce qu'en anglais, c'est tall, venti. Je pourrais pas te dire, à chaque fois que je vais dans un Starbucks, tu parles anglais. Ah, bon. Bref, qu'est-ce qui différencie le café glacé normal d'un café cold brew? Ben, c'est que, avec la nitrogène, c'est que la nitrogène crée une couche de mousse crémeuse sur le dessus. OK, comme un espresso, mettons. Oui, comme un espresso ou même comme une bière stout. OK. Un petit peu. Une bière noire très, très foncée. Et le café sort en fait d'un fût. On va le servir de sur un fût. Pas de sur un fût, mais en tout cas, de dedans un fût. Ouais, dans fût. Contrairement au café glacé. Le Nitro Cold Brew n'est pas servi avec de la glace. En fait, ça vient d'un fût qui est assez froid pour qu'on n'ait pas besoin de mettre de la glace. Et la meilleure chose, c'est que c'est pas dilué par la glace. Et donc, la saveur reste la même du début jusqu'à la fin. Ça a l'air génial, hein? Ah, vraiment? Allez voir les détails sur la saveur, sur la caféine et tout le reste sur assemblagerequis.com. Ça nous dit donc qu'il y a tellement de caféine dans un Nitro Cold Brew qu'on ne peut pas le servir dans un verre venti parce que ça excéderait la dose recommandée quotidienne, environ 400 mg donc de café. Si vous avez un de ces matins qui est difficile, café Nitro. Ben, je serais genre à l'essayer, moi. Ben oui. Et ça doit être vraiment excellent. Ouais, ça doit. On a déjà parlé à un moment donné d'un restaurant. Je crois que c'était Taco Bell ou Burger King qui servait un wrap. Je pense même que McDo l'a fait. Oui, un wrap avec une patate dans le wrap. Là. Ouais. Maintenant, on fait le contraire chez Jimmy Dean. C'est un produit congé. C'est le contraire exactement. C'est une patate hash brown, comme en carré. Mais ça n'a pas l'air hash. Ça a pas l'air super hash brown, ouais, t'as raison. Ça. Mais le dessus est comme fait de copeaux de patates. D'habitude, un hash brown, c'est supposé être des copeaux de patates que tu viens comme faire en crêpe dans une poêle. Mm-hmm. Tu sais, nous autres, on connaît les hash browns de McDo où c'est juste une galette qui a été comme processée de même. Hein. Mais dans la galette de patates, c'est là que c'est garni de saucisses, jambon, bacon, cheddar et fromage mozzarella dans la patate hash brown. Ça s'appelle les Jimmy Dean Stuffed Hash Browns. Croustillant dans le Ça a l'air d'être trempé, mais ouais. Je sais pas, c'est une très bonne question. Leur démonstration montre que ça ressemble à une patate de McDonald's plus qu'à une vraie hash brown. Et que l'intérieur a l'air un petit peu fade de ses couleurs. Mm-hmm. Ça n'a pas la couleur. Oui, ça n'a pas la couleur d'une patate. De la viande que ça devrait avoir. Note décevante, blablabla. Attends un peu. Ça dit que ça goûte tout pareil, salé et ça goûte le porc. Il s'attendait à voir une différence dans la texture du bacon, la saucisse du jambon, mais non, c'est juste une genre de pâte. Il peut voir le fromage, le gars sur The Impulsive Buy, mais il n'arrive pas à goûter le mozzarella ou le cheddar avant la mi-chemin de son test de goût. Il dit que c'est pas malade, 2 sur 10. Voilà. Non, ça doit pas être super bon. Vraiment pas. Ensuite, si on se fait-tu un autre... est-ce qu'on se prend la pause, Tania? On peut faire ça. On peut faire ça. On revient. Puis après ça, une pause musicale. On va se faire une pause musicale. Ah ben oui, pourquoi pas. En tout cas, pause musicale, Japanese Girls, Bully For You. Puis on revient. Oui. À l'assemblage. Assemblage rocké. Tiens, il nous reste encore une petite, je dirais, dizaine de minutes environ à l'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, pourquoi ne pas continuer notre chronique et une grosse pointe à l'adresse? Pas pire, ça? Sauf que là, on remettra pas la chanson d'ouverture quand même. Non, là. On va chez Red Robin aux États-Unis qui ajoute. En fait, non, on était rendu. Ah oui, on reste chez Starbucks. Désolé pour la confusion. Ben oui. C'est un déjeuner chez Starbucks qu'on peut commander. C'est un déjeuner secret. Hein? Ouais. C'est comme un hybride. Ça s'appelle le Oatmeal Latte. Okay. Un déjeuner qui te remplit, qui te caféine en même temps. Non! Ça a l'air intéressant. Donc, s'il y a un Starbucks près de chez vous, c'est donc pas un latte à boire, c'est plus un bol de gruyot upgradé avec un boost de shooter d'espresso et de lait à la vapeur. Donc, si vous aimez le pur goût de l'espresso, vous pouvez ajouter 2 shooters d'espresso, sinon en mettre seulement 1. Donc, le gruyot de Starbucks vient avec de la cassonade et des noix. Donc, on peut personnaliser le niveau de sucraison, de sucralité, de sucre à votre goût. Donc on prend le gruau pour emporter, on ajoute les choses dessus, le fourrage de la maison, ou peu importe, on demande les shooters d'espresso directement dans le gruau. Donc on commande le gruau, on demande à la barista d'utiliser du lait à la vapeur à la place du lait chaud. À la place de l'eau chaude, pardon. Mm-hmm. Tu peux prendre du lait de soya aussi. Tu pourrais prendre du lait de noix de coco. Tu commandes un ou deux shooters d'espresso. Tu te demandes s'ils peuvent l'ajouter sur le contenant, donc directement sur le gruau. Sinon, vous pouvez les commander séparément et les ajouter vous-même. Vous laissez le gruau cuire pendant quelques minutes et vous ajoutez la cassonade, les noix, quand vous êtes prêt à manger pour pas, évidemment, les détremper. Donc, c'est à peu près la recette. C'est pas compliqué, ça? Ça a l'air bon, Mozy? Ça a l'air vraiment bon. C'est cœur, hein? Shooter et du lait vapeur. Là, c'est vrai qu'on va chez Red Robin qui ajoute du poulet au miel épicé et des gaufres. Est-ce que tu savais? J'imagine que oui, parce que tu connais quand même la culture américaine. Tout le monde trippe ses gaufres, là. Gaufres et poulet. Ouais, c'est gaufres quoi ça? Poulet. Tout le monde... Le gaufres et poulet, c'est un classique américain. Il y a même des chips qui étaient au gaufres et poulet. Il y avait plein d'affaires qui étaient au gaufres et poulet. Non. Une grosse mode dans le sud, je crois, plus des États-Unis. Donc, Red Robin, ouais, qui lance son sandwich gaufres et poulet, le Bee's Knees Finest Chicken, pour un temps limité, alors que l'été se termine. C'est disponible jusqu'au 6 novembre 2016. Le Bee's Knees Finest Chicken, c'est donc du poulet frit complètement naturel, une poitrine de poulet frite avec du tempura et puis un petit glaçage là, de miel dessus, accompagné d'une relish au jalapeno, des tomates marinées aux agrumes et des oignons, de la laitue romaine déchiquetée et un pain en gaufre belge. Wow! ça dit que leur menu d'automne chez Red Robin a aussi des... Ah, oh, ça, c'est trop malade, pour vrai. As-tu vu la photo d'en dessous? Ouais. Des patates de frites douces aux s'mores. Non. Avec un coulis de chocolat. Je sais pas... Non, non, mais moi, pas des affaires. C'est disponible comme... Ah, mes patates. Des patates douces, patates non. sucrées. C'est, non. C'est une bonne entrée ou encore un dessert. Ça a l'air génial. T'as des guimauves, du fudge chaud et un petit peu de sel de mer. Wow! Tout ça chez Red Robin. T'as aussi... le Bonfire S'mores Milkshake qui continue, qui a été introduit en juillet. Donc c'est un shake aux guimauves, aux miettes de biscuit Graham, à la sauce au chocolat, à saveur de vanille française et de la crème glacée molle, tout ça mélangé ensemble. Red Robin aux États-Unis. Ensuite, on va chez Dunkin' Donuts, qui lui aussi s'inspire des gaufres, de la tradition des gaufres, avec un menu déjeuner sandwich aux gaufres. Ben oui. Ça, par exemple, je dis oui. C'est plus facile à comprendre, ça, quand même. Ça a l'air meilleur. C'est le Belgian Waffle Breakfast Sandwich, avec deux grosses gaufres belges à la place des pains déjeuner normaux, comme du muffin anglais, rôti ou croissant. Sandwich est arrivé depuis le 29 août, donc hier, pour les gens qui écoutent en direct. C'est du bacon fumé au bois de cerisier. Ok, rien de moins. Un œuf, du fromage orange entre deux gaufres belges. Les gaufres sont faites pour être fluffy et légères à l'intérieur tout en étant croustillantes à l'extérieur. Le nouveau sandwich est disponible toute la journée. C'est un on-the-go, donc c'est fait pour être amené, pour emporter. Voilà. Donc c'est pas la première fois que Dunkin' Donuts a un sandwich aux gaufres. Ils avaient aussi une version aux gaufres au bleuet en 2011. Il y a aussi d'autres versions aussi. D'autres restaurants ont fait la même chose, Jack in the Box et White Castle. C'est toujours sur le menu d'ailleurs. Prix suggéré de 3,89$ américains chez Dunkin' Donuts. Les frites ne viendront pas chez Taco Bell bientôt, Tania. Ah non? Peut-être es-tu déçu que Taco Bell n'ait pas de frites. Blubububu. Un peu comme chez PFK aux États-Unis, t'as pas de frites, c'est des patates pilées. Ah ça? Ouais? Ouais. Donc récemment, le blog BradEating.com a essayé les loaded fries disponibles au Royaume-Uni et au Japon chez Taco Bell, mais malheureusement, ils ne serviront pas de frites aux États-Unis bientôt. Ils ont contacté la compagnie pour savoir pourquoi on servait pas de frites. Ça dit que les frites sont très populaires dans les marchés internationaux, donc vous allez les voir sur différents menus. Nous avons testé les frites aux États-Unis précédemment, mais on cherche toujours de nouveaux articles à promouvoir, et si on trouve que quelque chose fit dans le futur, on dirait pas non à les réessayer. Mais on peut comprendre que donc ça a pas marché tant que ça, les frites. Ouais. Un peu comme chez PFK, ici, on a essayé les rondelles d'oignon. Je les ai pas revues. Peut-être qu'il y en a encore, mais je les ai pas revues. Il y a moins de promotion là-dessus, en tout cas. Des fois, tu sais, il y a des restaurants, c'est moins leur spécialité. Aux États-Unis, ils s'attendent pas à avoir des frites chez Taco Bell, faut quoi? Je sais pas. Donc c'est ça, il y avait aussi les potato crisp nachos aux États-Unis l'année passée, donc des nachos avec des patates frites, on dirait, j'imagine. Les frites étaient un petit peu détrempées. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que, en tout cas, peu importe. Et pour terminer, tiens, une recette pour faire votre propre bacon italien, c'est du bacon de prosciutto. Ça a l'air vraiment bon, surtout sur du macaroni au fromage ou je sais pas quelle pâte ils utilisent là-dedans. Donc, prosciutto. L'article de popsugar.com nous dit que c'est bien meilleur que du bacon. Comment faire donc des chips de prosciutto croustillant, ce qu'on appelle du bacon italien? Ça va devenir votre préféré au déjeuner. à la collation et comme garniture, nous dit l'article. Mais beaucoup plus salé, par contre. Oh que oui, mais beaucoup plus délicieux. Donc, pendant que vous mangez une tranche de prosciutto directement du paquet, là, bon, c'est facile à faire, vous pouvez aussi en prendre quelques-uns et les mettre sur une assiette qui va au micro-ondes avec une serviette de papier et couvrir le dessus d'une autre serviette de papier. Vous allez faire cuire les tranches pendant 30 secondes à la fois jusqu'à ce qu'ils soient assez croustillants pour vous. Donc, au total, une minute et demie environ. Votre cuisine va être remplie de l'arôme de ce prosciutto, de ce jambon salé. Voilà, donc allez voir l'article pour les photos. Ils sont très convaincantes. Pourquoi pas mettre ça sur une soupe au poids, qu'ils disent, entre autres. Vous pouvez les dévorer tel quel. Il n'y a aucune raison de s'en faire avec ça. Ils les mettent dans tout. Ça a l'air tellement carrément. Bravo pour le bacon italien. Voilà, ben Caroline, je pense que ça va être tout pour nous. Ben ouais, déjà. Déjà le temps de se quitter pour une autre édition d'Assemblage Requis. Les liens sont sur assemblagerequis.com pour une grosse boîte d'adresse et pour le reste de l'émission. C'est la fin du mois d'août, on arrive au mois de septembre la semaine prochaine. On doit vous dire qu'on n'a pas encore de plan pour le reste de l'automne. Sachez que la case horaire va être occupée par nous la semaine prochaine. On vous déterminera ce que ce sera. On va être de retour les matins, très bientôt aussi. Est-ce qu'on peut confirmer que ce sera mardi qui s'en vient? Je te le confirme, Mathieu Plante. Le 6 septembre, de retour à la case horaire du matin. Soyez-y, les heures sont à confirmer. Tout ça, on va en discuter pendant les prochains jours. Mais surveillez le cif.ca pour plus d'informations sur ça. Merci Tania d'avoir été là. Merci à toi, Mathieu. Ça m'a fait absolument plaisir. Merci à vous tous d'avoir écouté les petits requins. On se retrouve très bientôt. Et puis, passez une bonne semaine. Il nous reste genre un petit 30 secondes à remplir. Moi, j'ai fini ma bière. Moi aussi, mais c'était très, très bon. Hein? C'est quel dépanneur déjà? Dépanneur à côté de l'UQTR. Et voilà. C'est la bière Baron Artisanale. Le petit dépanneur en haut à côté du Gambrinus, si ça vous intéresse. Je vais vraiment au dépanneur en bas de la côte, près du cégep. Là. C'est un peu trop loin pour moi. Non. Mais bon, moi, j'ai fait pour du PFK. Là. Ah ouais? Hey, c'est du PFK livre à ça. Ah non, je savais pas ça. Je sais pas si ça arrive comme tout mou. Pas vrai? J'ai envie. Probablement, sérieusement. Peut-être, j'espère qu'ils ont un petit sac chauffant. Bref. Ah, comme les pizzas? Comme les pizzas. J'étais surpris, l'autre fois, c'est quoi? J'ai commandé du. Un petit restaurant par rapport, genre, c'est-tu Sainte-Cécile? En tout cas, il y avait un sac chauffant, j'étais comme surpris. Vive les sacs chauffants. Est-ce qu'on peut acheter ça, un sac chauffant de pizza? Je sais pas. Non. Probablement que tu peux si t'es fournisseur de pizza, mettons. Ou livreur. Ou livreur. Bye. Bye.